Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Bah oui, c'est direct. Oui. Bah vous croyez quoi? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va. Non, j'allais dire ça va bien. Non. Je suis de mauvaise humeur. T'es voilà, foudrage, tu l'as dit en entrant. Je suis de mauvaise humeur, j'ai mal dormi, le temps m'agace. Voilà, c'est pas. Je suis pas dans les. Dans les 36e dessous, c'est comme ça qu'on dit? Dans les 36e dessous. Dans les 36e dessous. Ouais. Me reprends pas, s'il te plaît. Mais sinon, non, ça va. Ça va très bien. Moi, j'ai reçu un petit message qui disait il était sous polé, Adrien, récemment. Et c'est rigolo parce qu'avec Adrien, en ce moment, on se dit beaucoup qu'on est sous polé. On se rend compte qu'en ce moment, lui comme moi, on est assez sous polé. Vous êtes sous polé. Morgane est sous polé, il y a que moi qui suis de bonne humeur. En fait. Toi, t'es pisse. Mais toi, t'es à la cool. Mais d'ailleurs, je vous ai toujours pas présenté. Peut-être faisons ça. Ouais. Je vais commencer par notre premier invité. C'est une habitude de l'émission. Si on était en Suède, on la surnommerait la Cardinalax. Tant elle fait partie des meubles. Humoriste et autrice, elle rôde son spectacle à Paris en ce moment et officie à la bande originale de France Inter depuis maintenant des années, sans jamais avoir proposé un petit strepsil à Nagui. Pas très sympa la meuf, mais nous on l'adore. Quoi? C'est Mordin Cadignan. Bonjour Cadignalax, j'aime beaucoup. Hein. La Cadignalax, ouais. Salut. Ça va? Ça va? Salut. Salut, c'est Momo. Ouais, je suis Philippe Manœuvre. Cette... Alors non. Écoute, ça va comme Adrien, je suis ronchonibarde. Et d'ailleurs, ça va comme Adrien, ce qui va remplacer le comme un lundi. Un peu là dans ah ouais. Dis-toi, ça va, comme Adrien. Comme Adrien. Moi, je suis Méniel. Même ça, il aime pas. Il a pas très gueule. Notre second invité, alors lui c'est sa première fois dans l'émission, putain. Il est auteur et humoriste lui aussi, mais on peut rajouter la corde journaliste à son arc, même si je le rappelle, un arc avec plein de cordes, ce n'est pas pratique pour tirer des flèches. Lui a tiré le portrait de la Suisse en vidéo, mais oui. Il a... Moi je disais que je pensais que c'était rajouter une corde à ma harpe. Ah, ce qui aurait du sens, mais tu peux faire plus de musique. Ah, j'ai un do, t'as coup. C'est ça, tu vois, et d'un coup, tu peux faire des plus jolies musiques. Bon, bref. Il anime aussi le podcast Small Talk et joue son spectacle Authentique, prononcé Authentique, si vous êtes jeune, comme moi, la team, partout en France pour finir au Zénith de Paris. J'ai vu le 13 juin 2025. Ouais. Une dinguerie, selon moi, je vous rappelle que je suis jeune. N'hésitez pas à prendre des billets pour qu'il possède des thunes et soit à l'aise financièrement, c'est une référence à ta vidéo. C'est David Castello-Lopez. Bravo. Merci, merci. Bravo. Merci David d'être venu. Ah mais ça fait trop plaisir, on est bien là. On est bien. En plus t'as un Dyson. J'ai un Dyson. Un Dyson qui filtre l'air, c'est ça? Alors il filtre l'air. J'ai plusieurs Dyson. J'ai effectivement l'aspirateur qui est ici. Ouais. J'ai le filtreur d'air. Et le filtreur d'air, en fait, moi j'étais depuis tout jeune. Non mais je me lance. j'aime bien avoir un ventilo allumé sur moi. À petite dose, mais j'aime bien avoir tout le temps, même s'il fait froid, avoir de l'air de ventilo, j'aime bien. Oh, et quand tu seras riche, ça pourrait être quelqu'un qui souffle. C'est ça, en mais permanence. C'est en cours là, hein, les 500 000 entrées des Leroy. Il est riche. Hein. Ça va. Ça arrive. Mais j'ai vu que j'étais à un niveau de richesse parce que je me suis fait vanner sur mon Dyson par Charlotte Gainsbourg. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah, je suis pas encore assez riche. Ah, oui, non, faire vanner sur le Dyson, pour moi, c'était inconcevable tellement c'est un. Quoi pour elle? Attends, elle a parce que genre. Non, c'était le fait que ce soit affiché. Il y avait genre un peu. Gros ringard, tu le caches ton Dyson. Ouais, normalement, tu dois le cacher ton Dyson. Tu l'affiches comme si c'était une montre en or. Oui, il y a deux mois, tu le portais autour du cou. Donc, quand même. Quand même, voilà. Oui, non, je me suis calmé. Depuis le Cinoche. Donc, chers amis, comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Oui. Une étude de l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a dévoilé hier une caractéristique que les poules partagent avec les humains. À votre avis, les poules pour laquelle, les poules. Elles ont des amis pour la vie. Non. Les humains n'ont pas des amis pour la vie, tu sais. Bah, ils s'embrouillent souvent. Ah oui. Pour moi, c'était les produits laitiers. Elles ont de la libido. Elles n'ont. Alors peut-être, mais c'est pas là ce qu'on cherche. Ouais, et c'est un truc nouveau, c'est-à-dire c'est pas un truc évident. C'est un truc qu'on a découvert récemment. Elles ne se doivent pas. Entre elles, tu veux dire. Ouais. Non, les ergots. Ah oui. De la pâte. Tu l'as ailé. Je l'ai ergoté de où? Qui dit? Ah oui, avec parce le pouce que même avec le pouce derrière. Ergoté de ouf, c'est-à-dire que même avec doigt, qui doigt de ouf. En plein dans le cloaque. En plein dans le cloaque. Avec vigueur, quoi. Après, c'est très dur de trouver le cloaque. Moi, je le dis quand même, c'est très difficile à trouver. Le cloaque, c'est un mélange de chatte et de cul, c'est ça? Je crois que c'est ça. C'est multifonction. Multifonction, ouais. Ok, ouais. Pratique. Donc, c'est pas ça. C'est une vie vraiment plus simple. Putain. Elles se font pas chier, les poules. Hein. On a beaucoup à apprendre des poules. Hein, elles font des 69? Elles ne font pas des 69. Est-ce que c'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Franchement, vous, et d'ailleurs, vous êtes dégueulasse, si je puis me permettre. Est-ce que c'est genre leur humeur varie en fonction du temps qu'il fait? Alors non, mais on se rapproche de, d'émotion. Elle bronze. Alors on se rapproche encore plus. Elles c'est bronzent, pas bronzé. Elles prennent des coups de soleil. Elles prennent pas des coups de soleil. Elles, Tu m'emmerdes. Elles sont contentes quand il fait beau. Bah non, c'est la même chose. Ouais. Tout à l'heure. Adrien, putain, le temps a un impact sur toi. Oui. Non, c'est un truc par rapport effectivement à la peau. Non, la peau la plutôt. À la peau. Mais aussi l'humeur. Elles ont des pellicules. Mélanomes. Pas des mélanomes, pas des pellicules. Psoriasis. Pas des psoriasis. C'est eczéma. Non, ça rapport au soleil. On va dire toutes les maladies de peau qui existent. Elles ont des grains de beauté. Non, pas de grains de beauté. Alors, non, elles ne prennent pas froid. Elles ont de la chair d'humain. Non, mais on se rapproche. C'est réalité. Oui, oui. Quand tu fais froid, non, elles ont la chair de poule. Alors, quelqu'un l'a dit déjà ou pas? Je viens de dire, elles ont la chair d'humain. La chair d'humain, c'est impossible. C'est la même blague, mais oui, c'est deux versions de la même blague. Je comprenais pas pourquoi les gens riaient. T'es pas dans ton assiette. On peut le dire. Contrairement aux poules, parfois. On est le pire team. Oh non, mais il est pas. Nous mitraille. C'est rarement dans leur assiette qu'elles sont d'ailleurs. C'est horrible. Il va passer les 4 prochaines années à tout m'expliquer. Soleil, peau, chaleur, c'est pas des. Soleil. Vraiment ah, peau météo. Qu'est-ce qui vous arrive vous, avec votre peau? Elles ont des rides. Alors pas des rides. Des grains de beauté. Pas des grains de beauté. La peau ne vieillit pas. Elles suent. Elles ne suent. Pardon, j'ai hurlé. Oui, mais je comprends. Elles ont des tatouages nazis. Non, non, non, non, dans leur passé. Pas tout, elles pas tout de camouflet avec des plumes. Oh, mettez-moi des plumes. Oh, j'étais jeune. J'assume pas. C'est lié à une émotion. Qu'est-ce qui se passe sur votre peau? La chair de poule. Alors il y a la chair de poule. Il y a d'autres choses qui arrivent sur votre peau quand vous avez une émotion. Elles frissonnent. Alors, on elles ont la peau moite. Pas la peau moite. Elles suent, elles transpirent. Elles ne suent pas. Attends, on va le trouver. Vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Une émotion avec la peau. Tu pues. Elle tremble. Est-ce que c'est quand même. Attends, déjà, est-ce que trouver l'émotion va nous aider? Tout à fait. L'émotion a un lien direct avec l'effet que ça a sur la peau. Est-ce que c'est une émotion positive? C'est. Ah, putain, je suis désolé, c'est. Je pourrais pas dire oui. Je pourrais pas dire oui. Le bah, doute, le doute. Elles ont les poils qui sont. Quand t'as doute, la peau vibre un peu. Très bien. Elles ont les poils qui sont. C'est une réaction qui peut vous arriver, par exemple, quand vous êtes amoureux, quand vous recevez. Ah, ça gratte. Oui. Pas vous. Ah, tu pues des coudes aussi, ouais, c'est ça que ça dépend. Non, c'est des choses qui peuvent. Ça dépend de qui tu trouves amoureux. Mais de comment tu te protèges de cet amour. Non, c'est ouais voilà, c'est par rapport à l'amour. Non, elle ne bande pas. Elle bande de la peau. Non, la poule, la poule bande qui était une chanson de Brassens. Bien sûr. Putain. Et elle a du poule. Ah, d'ailleurs, pardon, je fais une parenthèse, mais je voulais diffuser parce que Valentin Vincent m'a fait une chanson à la manière de Brassens pour mon anniversaire. On pourra la mettre dans l'épisode. À la fin de l'épisode. Voilà. Ouais, n'y allez pas tout de suite. Écoutez-nous un peu. Ouais, non, mais je vous connais. Vous allez apprendre que les poules. Elles rougissent. Très bonne réputation. Oh, elles rougissent, mais évidemment. Mais je me suis permis de couper pour en finir, quoi. Quand elles sont gênées, quoi. Rougissent. Alors c'est ça. Les poules peuvent piquer un phare quand elles ont la chair de poule. Donc c'est un petit peu lié. Elles ont des rougissements plus ou moins importants en fonction de leur état émotionnel, rapporte l'institut. Mais oui. Mais du coup ils les ont déplumées pour voir. Oui, c'est alors, ça. C'est horrible. C'est le truc. Quoi. Et là c'est avec KFC qu'ils ont fait ça. C'est grâce à un logiciel d'imagerie et à 18 000 clichés de 6 poules de race Sussex. Étudier sous toutes les coutures pendant 3 semaines. Le mot sexe, ça fait rire. Ouais, regardez là. Sus et sexe. Oui, mais c'est vrai, sus. C'est ça que. Oui. Que c'est pas sus ça, ou que c'était yeux qui se sont baladés. Moi, pendant qu'il l'a dit, je te regardais. Et moi, j'ai senti la chaleur qui venait. Alors, je regardais pas, mais j'ai senti, tu vois. T'étais tapis dans l'ombre en attendant une erreur. Voilà. Mais c'est ce que je dis. S'il y avait eu que sus ou que sexe, voilà. Sus, sexe, on peut trouver ça rigolo. Non, non, non, bien sûr. Donc, elles ont été étudiées sous toutes les coutures pendant 3 semaines. En fait, c'est drôle si tu découvre c'est le comme mot quoi. C'est ça. C'est quand tu découvres le mot quand t'as 8 ans quoi. Tu sais que tu fais. Ouais. Voilà, il y a quelques années qui se coulaient depuis. Ah bah cucurbitacé, moi j'étais comme un dingue. La titi caca. Ouais, oh là là. Morgane adore. Morgane rôde le prochain spectacle en ce moment. T'as une fraîcheur. Non, titi caca, c'est encore drôle maintenant. Ça bouge pas. Donc ils ont pu distinguer les nuances de rougissement de cette espèce de gallinacée réputée pour leur. Pondaison, voilà, tout simplement. Mais c'est. Oui. Donc ça dit pas si ça déplume. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'ils ont découvert ça par hasard ou est-ce qu'ils cherchaient ça activement, auquel cas. Est-ce vraiment important de chercher? C'est souvent la question hein, qu'on se pose. Ils ont fait 18 000 clichés, tout ça. Je pense pas que c'était par hasard. Non, mais je veux dire, peut-être qu'ils cherchaient autre chose et ils ont fait attends, mais putain, elle rougit. Et par ailleurs, elle rougit. Il y a beaucoup de découvertes scientifiques. Cool. C'est comme ça, tu vois. Ouais. Là, on peut guérir d'un cancer et en plus, et les poules rougissent. C'est quand même cool. Non, apparemment, c'était surtout pour. Enfin, là, ils veulent étudier, voir si ça a un rapport avec les trucs de domination et tout. En fait, ils n'ont pas vraiment acté que c'était comme vraiment les humains, à savoir est-ce que la poule, elle est un peu genre oh non, tu m'as compliqué. Monter, je rougis un peu, enfin, tu vois. Oh, t'es con. La poule ne dit pas, oh, t'es con. Oh, non, arrête. Arrête avec ça. Arrête, ouais, avec la petite aile, comme ça, elle balèle. Oh non, arrête. Oh. Est-ce que vous êtes des gens à l'aise en société? Et oui, parce qu'en fait, c'est toujours ce truc où on dit, oh non, on n'est pas à l'aise, mais on est dans des métiers où souvent on croise beaucoup de gens. Donc c'est toi par exemple David, est-ce que tu te sens comme quelqu'un de plutôt à l'aise en société? Pas financièrement, attention. Oh, non, la ref là. Je crois que je suis plutôt à l'aise, Je suis plutôt à l'aise. Je suis pas une espèce. Je vois des gens qui sont des brutes de confiance en eux et qui sont là genre et ils sont ils font des high five à tout le monde en bout de 3 minutes. Je suis pas comme ça, mais surtout avec le temps, je suis devenu un peu à l'aise, un peu plus campé sur mes appuis. Oui, voilà. C'est vrai. Toi Adrien? Moi c'est marrant parce que je suis en train là c'est marrant parce que je me faisais la remarque ces derniers jours que j'étais plus à l'aise qu'avant quoi. C'est-à-dire que je peux, alors c'est pas, pardon, mais j'allais dire, je peux gérer un small talk avec, alors qu'avant c'était impossible quoi. Les gens ils me parlaient, je faisais et maintenant tu vois je réponds, je me sens à l'aise quoi, alors qu'il y a pas si longtemps c'était impossible quoi. Donc je me souviens du moment où j'ai appris à gérer les small talk aussi, mais c'était en transformant le talk. Faut pas faire small talk, il faut que Combini te paye, c'est ça. C'était ça la clé du truc. Tu vas dans le deep tout de suite quoi. Mais c'est dans le deep tout de suite, c'est-à-dire tu vois, genre tu parles immédiatement de trucs intimes, etc. Et là, en fait, la conversation elle fait, les gens trouvent que t'es intense. Ouais. Mais ils sont froids, hein. J'espère que je vais pas mourir comme ma grand-mère de froid. Voilà, et exactement. Ouais. Et après, les gens ils vont faire toi c'est intime, et eux ils dégagent. Ah. Et les autres et ceux qui restent, c'est tout de suite mieux. Et tout le monde passe un bon moment. Donc en fait, c'est juste mettre les gens mal à l'aise, ta technique quoi. Moi, peut-être que ça les met mal à l'aise. Alors, je leur parle pas tout de suite de leur, tub. Et sinon, ta tub, tu vois, je fais pas ça. Mais en tout cas, un peu intime quoi. Et sinon, ta tub. Ça, c'était Ardisson dans les années 90. C'était grosso merdo, c'était ça les interviews. Toi, Morgane? C'est marrant, c'est le contraire de vous, de moins en moins. Ah, j'étais hyper à l'aise et là, plus je vieillis, plus ça me demande de l'énergie. J'arrive à le faire, mais pas sur toute une soirée. Je vais réussir une heure, ça va me vider. Et le small talk, j'ai vraiment maintenant, j'ai perdu le naturel, je me vois faire. Donc j'ai vraiment les jambes pas et j'ai vraiment d'accord, on joue aux adultes, la ligne 8, pénible. Et j'ai l'impression que je dis que. Enfin. Ça devient compliqué. La ligne 8 qui est la plus en retard, c'est ça? T'as vu aussi le truc, c'est pour ça que t'en parles? Tu vois, j'arrive pas. J'ai vu un reel qu'en parlait. Mais parle de la tub. Je demanderai aux gens comment vont leurs tubs. Mais moi, j'ai un pote que j'adore, que je salue, Robinson, qui lui m'a dit que ça se voyait. Moi, je pensais être plutôt à l'aise en société. Ouais. Et il m'a dit, putain, toi, on sent tellement. Que quand, enfin, tu vois, justement, sur le small talk, que tu sais pas quoi répondre et tout. Et depuis qu'il me l'a dit, ça me paralyse. Il est gonflé de dire ça parce que je le connais aussi. C'est quand même plus un orateur incroyable. Alors, lui, je trouve qu'il est plutôt dans la team de David. C'est plutôt un gars qui met les pieds dans le plat. Ouais, bah alors attention, parce que mettre les pieds dans le plat, pour moi, c'est pas forcément être à l'aise. À l'aise, en fait, tu slides, tu l'as, tu réponds. Non, mais lui, c'était par rapport à ce que disait David sur poser des questions assez deep directement. En fait, ce qui est gênant dans le small talk, c'est qu'on sait bien qu'on fait pas ça parce qu'on a envie de le faire. La personne en face se fait chier, toi tu te fais chier, tout le monde se fait chier. Ouais. Et donc, le fait de poser des questions qui sont un tout petit peu moins superficielles et teubées, ça fait que d'un coup, c'est moins faux en fait. Et c'est vrai que ce qui a changé aussi, et peut-être c'est toi aussi, Adrien. Je vais pas me lancer là-dedans. C'est pas du tout toi. C'est moi en tout cas. C'est que les sujets de small talk m'intéressent plus aussi. Oui. C'est que je vieillis. C'est que moi maintenant je peux très facilement discuter de trucs qui n'ont pas Dyson. Beaucoup d'intérêt. Ouais. Exactement. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Mais aussi de décès de parents et de choses comme ça. Mais les deux parler un peu des deux peuvent. Les deux ça peuvent complètement. Ça, mais... Non, mais en fait, moi quand je dis small talk, je parle pas forcément d'une conversation de 5 minutes et tout. Oui, mais juste, c'est-à-dire qu'avant, moi quelqu'un me disait un truc, une banalité pour être poli. Je faisais maintenant je trouve une petite blague, une petite réponse et du coup c'est tout ce que les gens attendent, tu vois, mais maintenant j'y arrive bien quoi. Mais cela dit, je me sens à l'aise, plus à l'aise maintenant quoi. Mais ceci dit, les personnes très à l'aise, moi, ont plutôt tendance à l'inverse me bloquait un peu, moi, par exemple. Les gens qui. Il y a des gens qui sont trop à l'aise. Ouais, trop à l'aise. Tellement à l'aise qu'ils. Les liaisons, ils sont, t'as changé depuis deux mois, toi, hein, c'est vraiment. Très pas à l'aise avec la langue française, moi. Mais moi, j'ai l'impression que les gens qui affichent une confiance en eux monstres, comme tu dis, c'est pas ce qu'on. Parce que moi, j'ai été un peu dans le surexister et être un peu surintense parce que justement, j'avais pas confiance. Donc c'est fake it plus pour que être à un niveau normal. Mais en fait, les gens qui sont très très à l'aise, parfois Ça cache un truc, j'achète pas. Ah ouais. Parce que t'as des gens qui sont aussi je pense que c'est très très à l'aise. Je l'ai tous cité pendant deux minutes. Non, c'est vraiment. Pour moi, ça n'a pas de sens d'être trop à l'aise. Oui. Mais c'est, ça n'a pas de sens. C'est l'autre mot, c'est pénible. On est trop sur terre pour que tu sois à l'aise. Puis on n'est pas. C'est pas possible. Tu peux pas prendre tout cet espace. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas possible. La mode des Santiago. Tu m'étonnes. Elle est de retour. À votre avis, pour quelle raison? C'est une évidence. On essaye de mettre le country qui passe chez Beyoncé, c'est ça? Ouais. Sa chanson. Ça. Elle a fait un album de country, quoi. Son dernier album. Elle a fait l'album Cowboy Carter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement, ça cartonne et ça fait le bonheur des vendeurs de bottes western et autres chapeaux de cowboy. En effet, d'après NBC News, ce marché de niche aurait vu ses ventes augmenter de 20%. Depuis la sortie de Cowboy Carter, c'est énorme. Ça représente. J'aurais dit beaucoup moins. Ah ouais. J'aurais dit moins. À titre d'exemple, Boot Barn, une chaîne de magasins d'articles western. Le comte de Boudherbala. Ouais, c'est lui. Ça l'a touché directement. A vu le cours de son action bondir de 4%. Alors à chaque fois, j'y connais rien en bourse. Parce que tu connais rien en bourse, mon pote. Mais moi, je suis dans la crypto. Je te dis 4%, c'est énorme. Non, j'y connais rien. Je suis dans la crypto, je suis un crypto boy. Et enfin, c'est Michel Gass, PDG de Lévi-Strauss. On dit Lévis, voilà. Qui ne peut que remercier Beyoncé parce qu'elle a fait une chanson qui s'appelle Lévis Jeans dans l'album. Gratos. Et c'est fou. Hein. Mais ça, j'y crois pas, moi. Moi, pour moi, il y a des deals quand ils font des trucs comme ça. Quand t'es Beyoncé, tu sais que si t'appelles. Putain, c'était une putain de tierce, quoi. What a time to be alive. Ah, c'est incroyable. Vraiment, de dire quand t'es Beyoncé en même temps, ça raconte un truc de l'époque qui est très intéressant. Tout le monde applaudit autour. On est d'accord que l'humeur s'est améliorée depuis le début. Mais bien sûr. Mais. Quand tu es Beyoncé, tu sais très bien que si tu mets une marque en titre de chanson, tu t'en fous. Les gens vont câbler, si tu veux mon avis. Ouais, tu vois. Si là, moi, je dis Domino's Pizza, putain, la bourse de Domino's Pizza, elle prend 4% en moins. C'est vrai que nous, à notre niveau, quand Big Flo recommande une app de merde, il récupère l'audio pour en faire une pub. On vous chie dessus, d'ailleurs, One Second App. Non, mais sachez-le. Franchement, j'ai testé l'app, vraiment pas bien. Pas ouf. En fait, ils nous ont pris un extrait de l'émission et ils l'utilisent en pub. Oui. Donc ça nous rend foudrage. Sachant que c'est pas vraiment nous. Ils ont pris un extrait du Floodcast. Ils en font une pub qui, sans nous demander et tout. Alors parce que les invités étaient Ils en font un reel et ils se rincent. Le truc est sponsorisé. Attends, c'est quoi une pub pour le rap? En gros, leur application. Écoutez du rap. Les jeunes. Leur application. Et c'est quoi leur application? C'est One Sec. Ça s'appelle One pour pardon. Vas-y. Permets, c'est de la tech. Oui, c'est vrai, c'est toi. C'est le moment de la chronique tech d'Adrien. Donc alors c'est une appli. Alors déjà ils appellent ça une appli. Bon, je vais pas aller dans les détails techniques, mais c'est une automatisation iPhone. C'est un truc voilà de base. Okay. C'est à peine une app déjà le truc. Okay. Ouais. Et en gros tu dis je vais trop sur Insta. Mm-hmm. Et du coup en gros tu configures le truc et dès que tu lances Insta, ça te met un écran du genre ça fait 15 fois aujourd'hui que vous allez sur Insta. Grosse merde. Et ça te met un grosse merde. Un de leurs sons. Non et ça met un compte à rebours tu vois pour te en gros, te laisser le temps te dire est-ce que j'ai vraiment envie mais d'aller d'accord, sur Insta. Mais pourquoi Big Flo parce que Big Flo en a parlé, c'était sa reco dans le Floodcast. Du coup, ils ont pris l'extrait où il dit ouais, c'est une app, elle est géniale. Ils en ont fait un reel. Ah, c'est pas l'application développée par Big Flo et non, Oli. Mais pas non. Du tout. D'accord. Mais t'as dit leur application, c'est pour ça. On a merdé, on a très mal expliqué. On a très vite, très fort et on parle en même temps. C'est pour ça quand tu disais je leur chie dessus et tout, j'étais là oh, ok. Audacieux sur Big Flo et Oli. Non, on les adore, mais c'est juste que. En tout cas, un des deux. Mais c'est le fait que voilà, ils ont pris cet extrait une recommandation très tranquille, très cool. C'est comme si tout à l'heure tu conseillais, je sais pas, un film et d'un coup on utilise ta voix et le truc, on le met partout et on s'en demande quoi. C'est pénible. Mais après, si Beyoncé prenait l'extrait, vous dites quand t'es Beyoncé, là, regardez. En intro de chanson. Moi, je pèterais un câble. Si elle fait ça, Beyoncé, mais je pète un câble. C'était quoi, vous, votre look au collège? Ouh. Eh oui, Morgane. Parce que Morgane, j'ai cru, j'ai écouté, j'ai lu des choses sur toi. Tu es passé par plusieurs modes. Je suis passé par plusieurs drames. non, il y a eu un petit truc un peu diams avec des TN, le petit Sergio Tac rentré dans les chaussettes. Un petit pot de pêche avec Guada 971 sur les fesses, j'en ai bien peur. Pêche bleue, j'ai envie de dire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comment Guada 971 sur les fesses. Ah ouais, sur les fesses, ouais, sur le pot de pêche, quoi. C'était un peu pour marquer mon appartenance. On est à quel âge à ce moment-là? Moi je t'ai vu il y a 2 ans avec. Ouais, mais j'allais au sport. Non, ouais, collège quoi. T'as quel âge au collège? Bah, c'est oui, 14-15. Et il y a eu un moment. Donc j'avais le gros sweat Hermès rouge avec la panthère pour ce look là. Et j'avais un sweat à capuche Big Bang. Et un Big Bang, je connaissais pas Big Bang. Je connais zéro marque que t'as cité. Big Bang Squad, c'était un peu le truc des skaters. Et c'était un peu l'époque où je mettais des perles africaines dans mes lacets Vans. Ah ouais. Est-ce que c'est Big Bang Squad ou pas du tout? Mais en même temps, c'est l'époque où t'étais à l'aise. Exactement. Et j'étais à l'aise. Ouais, voilà. Voilà, donc j'ai eu un peu ces deux looks là. C'est ce petit bonhomme là, exactement. Ah, oui. J'avais un peu des standards Bob Marley et des tentures ganja dans ma chambre et je fumais pas du tout. Mais tu écoutais? Non. Ah ouais. Non, j'étais parti en vacances à San Sébastien. Milieu des années 2000, c'est ça? Ouais. Et ouais. Est-ce que tu avais le cendrier avec une caricature de Rastaman? Bon, pour moi, c'était cendrier. C'était un peu celui-là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ah, magnifique. Vois, oui. Au collège, toi, David? Au collège. Alors, moi, collège, 10 ans avant Morgane, milieu des années 90. À un moment, seconde chiant, puis fin de seconde, je suis devenu un tout petit peu cool. Et j'avais des trucs un peu. J'avais des trucs d'une marque suisse qui s'appelle Niedecker. Quelle est ton obsession pour la Suisse, par contre? C'était mes deux rapports avec la Suisse. C'était le seul truc que j'avais en rapport avec la Suisse avant de faire les vidéos. C'était, j'avais des trucs un tout petit peu grunge. Niedecker en un mot ou en... Niedecker en un mot. N-I-D-E-C-K-E-R. Je suis sur internet. On dirait. C'est une marque de snowboard. Donc oui, voilà, c'est ça. C'était snowboard et vêtements de trucs comme ça. Pas pour les férus de géométrie. Oui, tu partais là-dessus, Adrien, je t'ai bien vu. Ouais, putain, ça cogitait pour la question. À d'autres. Non, vraiment pas. Pour moi, ça sentait une marque d'outils ou un truc ou Black & Decker. Et après, il y a eu le moment où j'ai commencé à m'habiller tout le temps pareil en terminale. Donc, Dockers beige clair ou beige foncé. Vans bleu marine et t-shirt soit bleu soit Bordeaux. Vert. Ah non, okay. Soit bleu soit vert, soit Reebok soit Nike. Et c'était et je me suis habillé exactement comme ça tous les jours de ma vie pendant 7 ans. Bah, mais sobre du coup. Comment? Comme là, t'es minimaliste, t'as toujours. Oui, oui, mais j'ai changé de façon de m'habiller pareil. Ouais, oui, mais t'as toujours eu ce truc quand j'ai même. J'ai toujours eu ce truc de... un truc uniforme. Exactement. Quoi. Puis là, je change et puis ensuite c'est comme ça pendant 10 ans et voilà. Putain, c'est fou. Okay. Ouais. Comme Einstein en fait. Et c'est quoi. Toujours. Ouais, et c'est toujours sobre. Parce que comment à d'autres. T'imagines si 10 ans il est coincé avec un truc. Grosse fuchsia et qu'il se bouffe des culs dans le dos. La matinale à France Inter. Ouais, bah c'est 10 ans. J'ai signé. Ouais, non, je m'habille chiant en fait maintenant. Non, c'est pas chiant pour moi. Alors, non, justement, toi, moi j'aimerais beaucoup. Alors, à l'époque... On n'est pas chez Léa Salamé ici. Clin d'œil. Mais moi c'est vrai que par exemple, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui savent faire ça. Parce que moi je ne trouve pas mon look. Je ne sais pas ce qu'est mon look. Et là t'es en robe de chambre. Tu vas en robe de chambre dehors ou pas? Ouais, ça t'arrive, ouais. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Non, ça me va, mais ça. Le fou du boulevard. Mais bien sûr que toi, tu n'as pas de problème. C'est plutôt les gens qui te croisent. J'ai pas de problème. Je suis libre. Je suis détente de hurler. J'avais un problème avec la liberté. Voilà. T'es en robe de chambre et à poil tout en bas. Tu sors comme ça. Ouais, ouais. Ah, super à l'aise. J'ai aucun problème avec. Juste un t-shirt un peu court et la bite à l'air. Je suis surpris que David ait été choqué par la robe de chambre alors que je n'ai aucun slip, par exemple. C'est vrai que c'est assez particulier, mais. Bon. Avec un crop top. Donc oui, il y a eu cette mode-là, toi. Morgane, et au lycée, t'es parti sur quoi d'autre après, après le Rastaman? Quand est-ce que t'es Non, je suis restée un peu street cred, sans aucune cred, mais street quand même. Je sais pas comment le dire. Urbain. Urbain, ouais. Urbain, ouais. Urbain. T'habillais assez comme tard. Urbain, le humoriste. Assez tard, et après, quand je suis arrivée à Paris à 17 ans, là c'était nimpe. Là, t'as mis des soleils, mais non, t'as mais mis là, des clopes. Ouais, mais tu sais, c'était une époque un petit peu dégueu de. Tu vois, vers 2010-2012, c'était un petit peu les franges noires toutes courtes, le fond de teint Dream Matmus et tout, et les petites. Vous voyez ce que c'est, les chaussures Richelieu? Non, je vais regarder tout très suite. Pointu, très pointu au bout, un peu mocassin, mais à talons. Tu sais, toutes les meufs avec ça, avec des slims, enfin, tous mélangeaient assez mal. Tous mélangeaient. On va avoir besoin d'une photo, malheureusement. Ouais, je vais te trouver ça. Adrien? Il y a eu le rock, je me souviens. Le hard rock, Parce que nous, on est même génération. Bah, je pense, hein. Moi, je suis né en 80. 81. Okay, il gagne. Désolé. Désolé, David, Adrien gagne. Non, moi, j'ai eu une période hardos. Donc, j'avais t-shirt Iron Maiden. Ouais. Oh. J'avais des bagues, j'avais une bague aigle. Alors, question à la différence de Morgane qui n'écoutait pas la musique qu'elle, oui. qu'elle singeait, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que toi, tu écoutais du hard rock? Ouais, j'en écoutais, mais ouais. pas tant que ça. En vrai, oui. en vrai je ouais. pense que c'était à 50-50 avec l'Eurodance. Ah, mais ouais. Oui, pense. Alors que tu n'as pas mis de look Eurodance à cette époque. Et Alain Souchon. Ouais, Ace of Base, Dr. Alban, Rintouril. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, les classiques. Et c'est vrai qu'à ce jour, j'écoute quand même plus ça que du hard rock. Donc, j'ai eu ça et j'avais aussi. En fait, c'était vraiment la transition entre l'enfance. Oui. Parce que c'était la transition entre l'enfance où j'avais une frange de ma daronne. Ouais. Et mon côté, bah, maintenant je prends mon indépendance, je suis un hardos. Mais du coup, j'avais la frange devant et la nuque longue derrière. Oh, ah non, mais ça, c'est. Même à l'époque, c'était. Un casse social. Oui. Oh, le redneck. Avec un lave linge sur le perron. J'avais. J'avais une salopette et un fusil, bon voilà. Et un père alcoolo, enfin tu vois, on imagine, hein, bien sûr. Nous les Méniels. Non, donc oui, donc très difficile, ça n'a pas duré très longtemps. Et après, j'ai pas eu tellement de look. Je sais qu'à un moment, c'était pour une soirée, je me souviens, je m'étais fait une coupe où genre. J'avais des petits picots de bien cheveux. Ouais, ouais, ouais, quelle horreur. Comme Reese dans Malcolm. Mm-hmm. Exactement. Ah, ouais. Horrible. Mais nous, on était toutes amoureuses de lui, pour, enfin, toutes moi. Ouais, pour, alors pour là, ça, pour, non, les, ouais. si, pour les. Pour ses enfin, cheveux durs. Pour les picots ouais. Pour ses cheveux tout durs. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ça ne marche pas sur toutes les personnes aussi. Ah bah, ouais. Ouais. Moi, j'ai été la génération Dub Fixation Extrême. Il y a eu une mode dans les années 2000. C'est ça, dans les années 2000. C'était leurs cheveux étaient en bataille picot et ça détruisait des murs. Ouais, c'était pas grave. Mais tout à fait. Ça ne bougera ça pas d'un centimètre, vous m'entendez? Et moi, ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas. Je faisais, mais moi, ça redevient des cheveux normaux. Ouais mais gominé du coup. Ouais, c'est-à-dire que c'était ta boucle qui tombait, mais gominé. Ouais, en fait, je pense que j'avais trop de cheveux. Un rat d'égout, quoi. C'est ça, ça faisait vraiment une couche. Rats. Une couche de brillance dégueulasse qui retombait et j'avais des espèces de papillotes de rabat presque qui coulaient le long de mon visage, quoi. Du coup, rabat. Ouais, ça marche. Et donc, c'était ridicule à souhait. Et moi, le dope, ça marchait pas du tout sur mes cheveux. Du coup, j'arrêtais de me laver. Mais t'as une masse de cheveux trop importante. On parle de mode toujours. La marque, pardon, Jordan Lucas a sorti un nouveau modèle de jean qui coûte 600 euros. Ah, je l'ai vu, je vais pas le dire. Alors, j'étais sûr que ça allait se retrouver. Ah bah, fallait. Quelle est sa spécificité? Oh là là. Il a déjà dit un indice, hein. C'est sûr que ça se retrouve dans le podcast, autant vous dire. Il y a un trou, il y a une braguette d'anus? Non. Mais attention, braguette d'anus, excuse-moi, mais peut-être le titre de l'épisode. Braguette d'anus. Ouais, mais derrière, non, mais c'est comme les pyjamas de cowboy, oui, quoi, voilà. Avec les petits bouts, la petite fenêtre à cul. Ouais. Mais braguette d'anus qui est un très mauvais parfum aussi, qui s'est très peu vendu. Très mauvais. Très mauvais, garde d'honnête. Il est fait avec alors non, est-ce que ça concerne le tissu? Alors non. Ça est-ce ne que concerne ça pas concerne le tissu. L'anus. Est-ce que ça, concerne l'identité des gens qui l'ont fabriqué? Non. Bah attends, ça concerne d'une certaine manière le tissu. Non, parce que c'est plutôt un truc d'impression. Oui, mais ce que je veux dire, c'est. Genre là, on en non, a mais dit vu beaucoup. La piste sur laquelle il est parti après, on n'est pas sur. D'accord. Non, on n'est pas c'est sur. C'est quand ça même le jean en lui-même, quoi. Enfin. Écoute, bon, je gère très bien le jeu quand t'as pas la réponse. Non, non. Est-ce qu'il y a des. Le dropping, je rappelle. Ah ouais, je t'as dit le mauvais mot. Est-ce qu'il y a des billets de banque qui sont un peu cousus dedans? Non, non, ce n'est pas ça. Cousu, c'est. Le nomatopée m'a plu. Le mec très mauvais au Time's Up. C'était coudre, putain. Putain. Mais c'est. Je sais. On dirait. Il est lourd. Que c'est un truc qui est sur le tissu. C'est pour ça qu'avec Adrien, on a eu un petit débat. De l'or. Mais c'est un truc qui est non, c'est pas de l'or. C'est pense, imprimé, mais on dirait là que. Où t'es, pense où t'es. T'es dans le floodcast. Papa où t'es. Non. Pense où t'es. Mais qu'est-ce que. Non, je veux dire. Si ah, il y a du texte imprimé dessus. Pas du texte. Ah oui, c'est dans le. Il y a du son. Il y a du caca. C'est connecté. C'est connecté. Pas loin. C'est genre, tu t'es pissé dessus en. Ah putain, j'ai vu. Mais oui. Ah putain. Il y a une trace de. Vous l'aviez tous les deux, j'ai quand même trouvé. C'est sublime. Il y a une fausse tache de pipi imprimée. Il y a une fausse tache de pipi imprimée. Alors, Libération a titré, et d'ailleurs, Libération adore les jeux de mots. La mode va-t-elle de mal en pipi? Oui. Mais bien sûr, on dirait vraiment un petit enfant mignon. Ouais. Pas de mal en pipi. Bah, moi, un de mes préférés a été la mort du créateur de Dragon Ball Z. Ah, ils oui. ont mis en couverture Dragon Ball Dead. Ah ouais. Oui, mais là, il n'y a pas dommage. C'est hyper violent. Non, il y avait la mort de C. Jérôme où ils avaient titré C'était Jérôme. Ouais, oh, mais là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est, moi, ça, ça, c'est très ouais, bien. Mais, ouais, ça, ouais, c'est mais, très bien. Dragon... Que c'est... Oui, d'accord. Bah, oui. Non. Vraiment, est-ce que c'est le moment de faire un jeu de mots quand quelqu'un est mort? Alors, ça, c'est la première bah, il chose. Il avait qu'à pas s'appeler C. Jérôme. Vraiment, c'est, ouais, non, mais après, Dragon Ball Dead, ce que j'aime, c'est. Moi, j'aime bien quand il y a un jeu de mots que ça veut dire. Tiens, c'était Jérôme, il y a presque de la poésie. Ouais. Dragon Ball Dead. Non, c'est vraiment un jeu de mots. C'est vraiment. Ils attendent un peu qu'il meure pour la sortir. Alors, c'est drôle que tu dises ça. C'est pas avec toi. C'est ma théorie de Libération. Pour moi, Libération a prévu tous ces jeux de mots sur la mort des gens. Et ils attendent, comme ça, ils peuvent la sortir tout de suite quand ça. Et s'ils les prévoient à l'avance, c'est dramatique parce qu'ils sont à chier. Enfin, Dragon Ball Dead. Non, mais Dragon Ball Dead, tu veux pas me dire que ça fait 6 mois qu'ils y arrivent. Je vérifie juste. Ouais. Non, c'est bon, ils ont pas fait une critique positive sur les Leroy, donc tu peux dire ce que tu veux. C'est bon, tu peux dire ce que tu veux. Ils vont peut-être en faire une mauvaise. Malheureusement. Un jean, donc il coûte quand même 600 euros. Hein, c'est, le jean. C'est trop. Donc, c'est trop, sachant que c'est facile de le faire. Voilà, une bouteille d'eau, un séchoir. Je vous le fais tout de suite. Ah oui, c'est ça. J'ai fait 2-3 soirées et des gens te le faisaient gratos. Exactement. Hein. Une fois l'indignation passée, on se rappelle que le pire ennemi du luxe, c'est le consensus. Ça, c'est ce que nous dit Libération, qui adore la mode. Pour susciter de l'engouement, il vaut mieux provoquer un sentiment fort, même de répulsion. Il faut savoir, alors que c'est un vrai terme qui existe dans la mode qui s'appelle l'ugly fashion, voilà, oui, un truc qui est moche exprès. S'il est évident que Jordan Lucas s'amuse à cliver, elle s'est sans doute inspirée de la marque parce que c'est pas les premiers à avoir eu l'idée, dites-vous. C'est Balenciaga. Ouais, non, Wet Pants Denim. Ah ouais, une, ah oui, c'était au moins une c'est boîte qui a tout misé là-dessus, apparemment. Non, mais au moins c'est honnête. Voilà. Nous, c'est le pipi. Ouais. Voilà, c'est leur slogan qui revendique le slogan Wet Look, Dry Feel. Un look mouillé, ah oui, tout en se sentant bien au sec. Mais qui veut un après, look les mouillé, deux sont possibles, c'est ça qui est oui, super. C'est ça, c'est mais surtout que, alors, parce que vraiment, il régale jusqu'au bout, Wet Pants Denim, hein, pas Jordan Lucas. En 2019, la griffe new-yorkaise a poussé le vice jusqu'à faire payer ses adeptes en Piscoin, qui est en fait une crypto-monnaie créée pour faciliter l'acquisition de leurs pantalons. Il y a un moment, faut pas trop chercher à arrêter Poutine non plus. Voilà. Est-ce qu'on mérite pas un peu tout le monde qu'on a, quoi, tu vois, bon. Voilà, et donc je vous montre quand même un petit peu le visuel parce qu'il est plaisant, voilà. C'est un petit peu. Seigneur trace Jésus. De pisse, ah ouais, c'est pas du... vrai. En plus, c'est même pas un pipi honnête, ça coule pas le long de la jambe. C'est ça, c'est-à-dire c'est pour moi, c'est un pipi qui dit pas son nom. En fait, quoi. C'est si tu fais ta pipi dans ton. Ouais, ouais, voilà, mais exactement, assis. Parce que j'ai couché même peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, t'as pissé au lit dans ton, en dormant, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, mais qui, en jean, ouais. C'est-à-dire que quitte à avoir un jean où il y a une fausse tache de pisse, autant que ce soit. Debout quoi, mais tout le long. Non, mais autant que ce soit peut-être la pisse de quelqu'un de connu, tu vois. Ça, moi j'achète. Ah, ça oui. Genre, c'est la pisse de Beyoncé. Oui. Ah bah là, d'accord. Ah, bah. Elle a pissé ça. Dans ses Santiago. Bah, ouais. Et c'est pour ça que la chanson s'appelle Levis d'ailleurs. C'est en hommage à ce jean plein de pisse. Ah putain, ça va être une OP. Si je vous dis 42 jours, à votre avis, ça correspond à quoi? Wow. 42 jours. 42 jours, c'est un peu plus d'un mois, quoi, un mois et demi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonne réponse pour Adrien. On est un peu en fin de saison là. C'est une gestation. C'est le temps que passe un bébé pour dans le ventre d'une espèce pour non. Pour alors non, c'est chez les humains. Ouais. Okay. Effectivement, c'est médical ou pas? C'est médical. Ok. C'est médical. Alors attention, ouais, mais là je vais te donner une réponse un le peu. Le temps d'incubation d'un virus? Non. C'est le temps de guérison de quelque chose? C'est pas médical dans ce sens-là. C'est esthétique. Ah, c'est plus biologique? Pas biologique. Donc c'est les bébés? C'est pas les bébés. Les médicaments? Pas les médicaments. Ça c'est médical, c'est une fausse piste, je tiens à vous le dire. Mais d'accord. Merci du fond du cœur, du coup. Non, mais c'est, oui, mais tu verras la réponse, c'est dans le monde de la médecine. Ok, dans c'est dans le par monde rapport, de la médecine. Par rapport aux médecins? Voilà. À l'hôpital? Pas à l'hôpital. 42 les jours, médecins. C'est le. Genre le temps minimum pour qu'ils puissent faire quelque chose, un truc comme ça? Oui, d'une certaine manière, oui. Annuler un rendez-vous? Non, mais elle était toute proche. T'es toute proche. On est c'est au... entre le temps minimum entre deux amputations ou entre deux non? Non, c'est pas ça. Entre pas deux rendez-vous? Pas entre deux. Ah non, ce serait entre pas... deux accouchements de la même personne. Ah oui, pardon. non, mais on est sur les rendez-vous médicaux. Bon, vous y êtes hein, en vrai. Hein, vous, c'est tout 42 con. Jours. 42 jours. C'est le temps d'attente pour avoir un rendez-vous chez un généraliste? Alors pas un généraliste, un dermato. Pas un dermato, je pense. 42 jours, ouais, je pense que dermato, c'est alors, en dermato, moi que ça se dermato, je l'ai. Non, non, c'est en moi, c'est... je pense. Non, c'est en moi. Non, c'est 36 jours les dermatos en moyenne. Ouais, non, bah... le plus gros, c'est. Je vous promets. Gynécologue, le plus gros, je pense. Opticien, non? Ophtalmo. Là, gynécologue, pardon, c'est 22 jours. Voilà. Donc ophtalmo, c'est 25 jours. Mais le 42 jours, vous l'avez pas trouvé encore. C'est le plus encore. Gros dermato. C'est Torino, Torino. Pas au Torino. Alors attends. Je vous le dis, les sages-femmes, c'est 11 jours. Les psychiatres, c'est 16 jours. On a dit gynéco, c'est pas gynéco, ça. Gynéco, ouais, 22 pédiatre. Jours. Pas pédiatre. Proctologue. Pas proctologue, il est pas dans la liste. Dentiste. Pas dentiste. Attends, putain. Un médecin qui est très demandé. Pas ORL. Un oncologue. Je vais vous le donner. Bah non. Bah attends, non, non, on va la voir. Un neurologue. Pas neurologue. Cardiologue. Cardiologue. Cardiologue. Putain. Très bonne réponse. Ah ouais. 42 tu m'as aidé jours. Avec neurologue parce ouais. que je cherchais les spécialistes et pas les. Alors justement, moi je me disais, mais attends, cardiologue, c'est trop bizarre parce que si t'as. Sauf que non, en fait, souvent les problèmes au cœur, les gens vont aux urgences. Ouais. Les gens ne vont pas chez le cardiologue. Eh oui. En fait, c'est une étude qui a été. Enfin, une étude, un sondage plutôt, qui a été fait avec la plateforme Doctolib, bien sûr, tout simplement. Et, ouais. Et effectivement, la moitié des rendez-vous de généralistes sont obtenus en moyenne en 3 jours. Ces derniers sont largement. C'est énorme, en vrai. Ah ouais, bah 3 jours quand tu te réveilles avec la grippe ou 3 oui, jours vrai. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Et mais effectivement après les pédiatres arrivent derrière en 7 jours en moyenne et ensuite les dentistes 11 jours, les sages-femmes 11 jours, les psychiatres 16 jours, gynécologue, ophtalmo, tout bah, ça jusqu'à tout cardiologue. Énorme, en vrai, hein. Tout est énorme parce que pédiatre en 7 jours, si t'as un bébé qui hurle, y a pas un monde où t'attends une semaine. Ouais, mais en fait, c'est comme c'est les urgences. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si c'est urgent, tu vas aux urgences. Tu vas pas sur Doctolib quand t'as un. C'est vrai. Tu vas, si d'ailleurs, tu peux, mais souvent les gens vont d'abord aux urgences. Oui, mais des fois, il y a un peu un juste, il y a un peu un entre-deux entre. Où tous les gamins de la crèche sont malades. Bon, il a de la fièvre, tu vas pas aux urgences parce qu'il est pas en danger, il est mort. Mais à la fois, 7 jours, c'est. Même moi pour les trucs de dermato, des fois t'as des trucs. Oui, c'est pas urgent, oui, mais bon, je suis, par exemple, je suis acteur et j'ai une grosse patte d'eczéma sur la gueule. 36 jours, c'est beaucoup. Voilà, c'est un peu beaucoup. Et rappelons que c'est une moyenne. C'est-à-dire moi, j'ai jamais eu 36 jours de tournage, par exemple. Dans ce cas-là. Non, mais voilà, c'est une moyenne. Donc en plus, t'as des fois des trucs où c'est dispo très vite, mais des fois, t'as des attentes. Enfin, voilà, c'est. Et bah, on va s'en charger avec Adrien. Ah oui, vous êtes dessus là pour le prochain gouvernement. Ça va un peu bouger. Il faut juste que les médecins aillent plus loin dans leur spécialisation. Justement, on parle docteur, on parle médecin. Morgane, que t'est-il putain d'arriver encore ? Parce qu'à chaque fois que tu viens, ouais. La dernière fois tu avais le pied cassé, c'est ça ? C'était. Non, j'avais une double entorse à la double cheville. Entorse parce que t'avais glissé sur un couvert de mixeur. Sur un couvert de mixeur. Et bah là, on reste dans le domaine de la cuisine. De Charlie Chaplin. Parce que coupé en. J'ai tout simplement tassé ma poubelle pour ne pas la descendre. Ah, et il y avait un couvercle de conserve trop bien posé. Et j'y suis allée pleine balle avec. T'aurais pu mourir. J'ai rayé mon artère. Ah! Attends, c'est sur le poignet? C'est là, non, c'est là. Et j'ai que 3 points de suture, mais tu sais, t'as tellement de tendons, de nerfs et j'ai tout dans la main. J'ai rayé mon artère, cette phrase, elle m'a ça plus stylé, elle a inspiré Alain Bachung et elle m'a fait très mal au fond de moi. J'ai rayé mon artère. Dans le Vercors. Ouais. On m'a vu dans le Vercors m'éclater la main sur une conserve. Ah, mais ça, c'est une douleur qui donc me fait. Donc je suis allée à SOS Mains. Ils sont adorables. SOS Mains Clinique. Ça s'appelle SOS Mains. C'est dans le design. Parce qu'en fait, tu vas. C'est à Monceau. En fait, quand tu vas aux urgences, il y a tellement de nerfs, de tendons et tout dans la main que tu peux facilement te toucher quelque chose. Donc tu vas tout de suite à SOS Mains, il n'y a pas d'attente, c'est super, ça m'a coûté 24 euros, ils sont adorables. Ouais. Et je me suis fait opérer. Bon, okay. J'enlève déjà. Les fils de bientôt. Oh. Je me suis fait opérer et voilà, tout va bien. Ouais, mais il m'a dit que 90% des patients qu'ils ont, c'est des avocats. Et je lui ai dit, mais comment ça, les avocats sont. Excuse-moi, je t'ai fait peur, David. Excuse-moi, pardon. Surtout que c'est les juges qui te. Oui, ouais. Ils appellent les avocats, c'est les gens qui se coupent le doigt et qui s'ouvrent en coupant les avocats. Ah, mais oui, parce que ça arrive sur le noyau. Et vous et moi, mangue avocat, tout le monde. Il y a 90% des patients de SOS Mains à Paris qui s'éclatent. Alors, à la cuillère, les avocats, moi, on m'a toujours dit. Ah ouais. Les couper ? Oui. Comment tu fais ? Bah quand il est assez mûr, normalement t'arrives à le trancher à la cuillère. Moi j'ai eu pendant très longtemps une. Écoute Adrien, je suis pas chef, visiblement. Moi j'ai eu très longtemps une phobie, c'est un bien grand mot, mais j'arrivais pas à utiliser un économe. Parce qu'une fois, je me suis pareil ouvert tout le pouce avec un économe. Ah, tu t'es. C'est pire que ce que j'avais. Tu t'es pelé. Tu t'es pelé. Mais ça aurait été un couteau, ça aurait été pire. Tu vois, parce que c'est ça. T'as économisé mais un petit peu. Mais se pelé tout seul, c'est vraiment. Ouais. En tout non, cas, c'est chaud. Se pelé tout seul, on dirait vraiment un euphémisme pour dire qu'on est en l'air. Je me suis pelé tout seul. Mais j'ai adoré la formulation que t'es-il putain d'arriver. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre qu'il m'arrive jamais des trucs graves où les gens sont là. Oh non, apportons-lui des fleurs. C'est que des petites merdes où je. Eh ben voilà. Ouais, non, mais ça, c'est chiant. Ça, attention. C'est chiant, mais toujours la façon de se blesser est un peu ridicule. Ouais. C'est un peu comme les noix de coco avec les singes de la semaine dernière, quoi. Oui, oui. Géraldine Nakache s'était fait agresser par des singes qui lançaient des noix de coco sur sa tête. Ah. Et elle nous disait ça en mode c'est terrible. Et nous on disait oui. Ouais. Mais objectivement, c'est un peu rigolo. Tu t'es pas pris un camion pleine face sur la rocade. Et un singe, c'est un peu marrant quand même. Parce qu'elle disait que les singes étaient tout en haut de l'arbre et jetaient des noix de coco. Non, en vrai, ça peut t'assommer. Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Mais c'est une manière de mourir à l'enterrement. Est-ce que t'as pas un petit demi-smile quand même derrière l'église? Bien sûr, il est mort. C'est comme le si tu meurs d'un cancer, il faut pas que ce soit un cancer de n'importe quoi, un cancer de la tube, un cancer du cul, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. C'est ça, mais c'est y a partir avec classe, tout simplement. Mais alors, on parle Corneille. On parle de médecine et tout. Est-ce que vous êtes inquiet de votre santé? Est-ce que vous êtes des gens qui allaient souvent chez le médecin ou des choses comme ça? Toi, David? Moi, je pense à la mort toutes les 13 minutes à peu près. Donc, ouais, un petit peu. Je suis un petit peu vigilant là-dessus. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai vraiment cru que j'allais décéder. J'ai commencé à être complètement fatigué, genre sans raison. Tu vas dormir 12 heures et genre t'en peux plus. Et vraiment, je me suis dit, bon bah, je commençais à regarder la vie comme si tu vois ça allait s'éteindre. Ah ouais, à ce point. Genre oh là là, les arbres. Tu vivais chaque jour comme le dernier. Et très très triste, très très triste. Et maintenant, ça va un petit peu mieux. T'étais en dépression en fait. Franchement, j'étais en dépression. Mais c'est ce que mon médecin généraliste m'a dit. Fait tous les batteries de tests, machin, de trucs. Il m'a dit, monsieur, vous avez vraiment rien, quoi. Ah moi, j'en ai déjà parlé. Faut qu'ils arrêtent les généralistes avec ça, parce que moi, à chaque fois que genre trois fois d'affilée, je suis allé chez le médecin, et vraiment, il m'a pas fait des batteries de tests, rien. Il m'a dit, oh, c'est une dépression, ça. Vraiment, pour trois trucs complètement différents. Il a dit, je saigne des yeux quand même. C'est une dépression. Il vient me dire, oui, vous écoutez le podcast. Ouais, ce que j'allais dire. j'écoute le podcast, c'est ça. Non, mais c'est quoi, toi, Adrien, le truc le plus grave de santé qui t'est arrivé? J'ai pas eu des trucs graves, encombrants. Non, je me suis pété le. Non, en gros, moi, je me suis. Mais c'est pas grave, hein. Ouais. J'ai de la chance niveau santé, mais je me suis cassé. T'as touché du bois. T'as touché du bois en scred. je me suis cassé le scaphoïde, qui est un os. Dans le poignet. D'accord. Ça c'est classe, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, en mourir, je suis pas sûr. Mais, c'est un accident de vélo. En gros, c'est un mec qui a ouvert sa portière quand je passais. Oh là, ah ma phobie un peu si ça. En fait, il faut pas frôler les voitures. Voilà, on m'a dit après. Les voitures doivent regarder aussi. Voilà. Ouais. Du coup, tu roules au milieu de la route et du coup, tu te fais klaxonner par les connards derrière. Bon, voilà, c'est génial de faire du vélo à Paris. Non, en vrai, je me suis pas pris la portière, mais j'ai juste freiné très vite parce que le mec et du coup, je suis passé par au-dessus du vélo. Tiens, fait un soleil. Et voilà, j'ai mis mes mains pour me rattraper, et apparemment c'est vraiment connu comme étant l'os des cyclistes parce qu'en fait c'est l'os que tu casses quand tu tombes et que tu mets tes mains. Et il a la particularité en fait tous les os ils sont vascularisés, c'est-à-dire genre irrigués de chaque extrémité sauf le scaphoïde, c'est-à-dire que quand tu le casses il y a une moitié qui est donc séparée de l'autre et qui est pas vascularisé. Du coup, si tu te fais pas opérer très vite, la moitié qui est pas vascularisée se nécrose. Et ça devient un caillou à l'intérieur de toi. En fait. Et donc, il faut opérer très vite normalement. Et moi, j'étais allé aux urgences le jour même. Il m'avait fait une radio. Et le mec, qui était vraiment un énorme branleur, ça se voyait vraiment sur sa gueule et sur son attitude, avait pris mes radios. Il m'avait dit non mais c'est rien, vous avez rien, mais bon, allez voir quand même un spécialiste dans une semaine, parce que des fois il y a des petits trucs qu'on voit pas tout de suite et puis machin. C'est vraiment une radio est faite pour mais voilà. Et je suis allé une semaine après, c'est pour ça que je te demandais si c'était dans le 18e, parce que j'étais allé chez un spécialiste des membres, je crois, bon bref. Pas à la queue, je veux pas venir. Non et en gros j'y suis allé avec mes radios de la première fois, les seules radios que j'avais. Et le mec m'a dit vous faites quoi demain? J'ai dit rien. Il m'a fait on va vous opérer. Mais comment ça? On m'a dit que j'avais rien. Il a fait vous voyez les deux os là, c'est un os en fait. Mais tu devais tellement souffrir pendant j'avais la semaine. J'avais un peu mal en fait, c'est un os, il est tout petit quoi. Oui, donc en gros tu allais faire une petite clé de bras au type qui t'avait fait la radio? Non mais il pouvait pas. Attends que je sois remis, tu vois. Mais je me souviens que le mec qui m'avait dit ça m'avait dit c'est qui vous a fait les radios? Il avait dit on va peut-être lui envoyer un mot ou un truc comme ça pour lui. Ah mais ouais, mais c'est bien. Fais gaffe. C'est bien, non mais c'est bien que ça se perde pas. Moi je suis des calculs rénaux. Et ça c'est nul à chier. Ça me fait peur ça. Non, c'est très ouais, tu commences à faire pipi rouge du sang. Et ensuite non, des galères les unes après les autres et on te met une sonde à l'intérieur du corps. Il paraît que c'est la pire chose. Une sonde double J. J'ai un pote qui est, pardon. La sonde double J. Et d'ailleurs la sonde double J, c'est le double S. J'allais le dire, t'es chiant. Sonde double J, donc entre qu'on te met donc à l'intérieur et on passe par ta tub. Parce qu'ils appellent les voies naturelles. Les voies naturelles. Ça a l'air joli comme ça, mais en fait c'est la tub. C'est une route de campagne. C'est ta tub. Et en fait non, pour te la mettre, ils t'endorment et c'est une sonde qui va du rein à la vessie. Donc qui passe par l'urètre et non pas par l'urètre. Ah, l'urètre étant le tuyau qui va du rein donc à la vessie. Et on te la met pour que en fait ça fasse, ça double un petit peu. Tu sais, en fait, un calcul rénal c'est quoi? C'est un caillou qui se met donc dans le passage. Ouais. Il faut imaginer que ça crée une sorte d'embouteillage de pipi. C'est ça. Et c'est une sorte de gilet jaune, on pourrait dire. Tous ces titres. Donc, et cet embouteillage de pipi, qu'est-ce que ça fait? Et ben en fait, ça fait que le pipi dans ton, ça fait gonfler ton rein. Normalement, le pipi il passe, puis là il fait attends, mais j'ai pas la place. Ça, et il gonfle ton rein. Ouais. Et ton rein n'est pas fait pour gonfler. Tu plies le tuyau d'arrosage. Exactement. Exactement. Et ton rein n'est pas fait pour gonfler. Et quand ton rein gonfle, c'est une des pires douleurs de l'humanité, mais répertoriée comme telle. Et ça la colique néphrétique, et c'est ça le calcul rénal. Donc on te l'enlève, et en fait on te fait une sorte de deuxième route à l'intérieur de ta route pour contourner les gilets jaunes. Et là non, c'est pas drôle, mais t'expliques si bien. Et là, mais le truc c'est que cette sonde en elle-même, gilet jaune, oui, pas mal pour le pipi. Oui. Et tout à fait, bien sûr. Et le truc c'est que cette sonde en elle-même fait mal. Et donc à chaque fois que tu vas faire pipi, c'est comme, moi je le comparais à, imagine, il y a une espèce de petit personnage à l'intérieur de toi qui envoie un grappin sur ton rein, tu vois, et là il tire comme un bâtard, et il tire comme ça, et ça fait vraiment très très mal. Et ensuite, quand on t'enlève la sonde double J, là, c'est un moment très difficile parce qu'on te l'enlève sans anesthésie. Et moi, j'ai pour quelle raison, excuse-moi. Alors, mais c'est ce que j'ai compris. Pourquoi vous m'avez endormi quand et ils m'ont dit, si on vous montrait ce qu'on vous a mis dans la tub quand vous étiez endormi, vous comprendriez quelle est la différence entre ce moment-là et le moment maintenant. La sonde double J, en fait, on te met une sorte de petite pince. Tu sais, une espèce de truc avec un anneau comme ça qu'ils prennent, et il y a une espèce de long tube, et à la fin, il y a une espèce de petite pince, et quand il fait comme ça avec son doigt, alors on voit pas parce que c'est du audio, mais on fait comme ça avec ses doigts, et ça ferme la petite pince au bout. C'est comme l'objet que j'avais recommandé là, pour les gens qui ramassent les détritus, là, les espèces de pinces. Tout à fait, ça explique pas du tout pourquoi ils t'endorment pas pour la retirer. Mais en fait, c'est parce que c'est assez, ils considèrent que c'est assez fin, et donc ils te lubrifient l'intérieur de la tub. Et ça, c'est un sentiment entièrement nouveau. C'est que on te met pas un truc si désagréable. Ils m'ont dit genre, ça fait pas mal, c'est juste. Oh, ça commencerait mal. Bizarre. Quand le mal qui c'est monte dans l'aigu, c'est ça. Quand le mal monte, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et non, parce que c'est froid, le gel lubrifiant, et donc tu prends conscience de l'intérieur de ta tub. Et ça, on peut l'acheter, par exemple, n'importe qui peut l'acheter. Non, mais imagine, après. Et donc c'est froid dans ta tub, et là ils te passent cette pince, et là ils vont chercher la sonde double J, et là t'entends le chirurgien qui dit c'est bon, je l'ai, et là il tire comme un bâtard. Et il a il te la donne ensuite. Oui, bien sûr. Et donc j'ai toujours comme ma sonde double J. Tu l'as ou quoi? Une petite peluche Pikachu chez les forains. On va être gainé à la fin de l'épisode parce que je n'arrête pas de serrer les abdos sur votre histoire. Oui, désolé pour les auditeurs, c'est vrai qu'on a pris un petit virage. Bon appétit, j'espère que ça fait mal. Mais donc plaisir. Cette sonde double J qui était d'une marque allemande, je crois. Nidecker. Ah ouais, incroyable. Ouais, j'ai un pote qui a des problèmes de reins, et il m'a dit aussi, il a eu toutes les sondes possibles dans la tub. Pas bien. Ouais, buvez de l'eau. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'est une méga bassine? Ouais. Oui. Ben plus ou moins, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve. Tout le monde a dit oui. C'est une réserve d'eau dans sur les terrain rable, pas mal, de très grande taille, de très sinon, très y grande pas de méga. Taille. Une bassine, je peux, je sais. Afin d'irriguer les champs. C'est ça, c'est une très bonne réponse. Mais c'est voilà, c'est un truc artificiel. Ça pépon l'eau d'autres gens. Les nappes phréatiques. Et après, les gens, ils sont pas contents parce qu'on a pépon leur eau. Ça pépon les nappes. Je savais pas. Ça pépon les nappes. Ça pépon les nappes. C'est notre EP. Ouais. Pépon les nappes, non, pour moi, c'est votre groupe. C'est votre groupe un peu douap. Ou un peu la destination de vacances d'un président. Le président et sa femme à Pépon les Nappes, comme tous les mois de juillet. Au fort de Pépon les Nappes. C'est vrai, j'allais dire la dune de Pépon les Nappes. C'est si juste. Et alors, pourquoi je vous parle des méga bassines? T'en as eu. T'adores ça. Non. Ouais. J'ai l'acquisition d'une méga bassine. J'ai vraiment de la thune. Méga férue de méga bassine. Tout l'argent de Noulé le Roi, je me suis acheté une. C'est Charlotte Gainsbourg qui m'a dit investis dans une méga bassine comme tous les gens riches. C'est la crypto de demain. Non, c'est pourquoi je vous parle des méga bassines. Bon, parce que en gros là, on est d'accord que c'était pour ça. Il y a eu des manifs récemment. Ouais, ouais. Empêcher. Alors écoutez, j'aurais pu également vous parler de skatepark. Et c'est quand même le même sujet. D'ailleurs, est-ce que c'est une façon de recycler des piscines? Non, parce que j'aurais pu aussi vous parler de kombucha. Et je suis toujours dans le même sujet. Ah, attends, méga bassines, skatepark, kombucha. Ouais. Est-ce qu'on est sur de la linguistique? on y est. Morgane, tu voulais... Non, je fais une petite parenthèse parce que pendant qu'il y avait les scandales des méga-bassines, il y avait quelqu'un qu'on a repéré avec Axel Malivernet au JT qui avait un t-shirt Rage Against the Bassine. Et c'était voilà. Oh, s'il nous écoute, je le salue parce que c'est super. Merci, attention, s'il nous écoute, je veux ce t-shirt. C'est plus ça. Attends, kombucha, c'était quoi? Non, mais kombucha, on est sur plus sur la linguistique. On y est, puisque j'aurais également pu vous dire ultra, ultra. Ah putain, c'est les nouveaux mots du Robert. C'est du Larousse, mais je te l'accorde. Attends, quoi? Ce sont les nouveaux mots du Larousse. Eh ben oui, le Larousse a dévoilé les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire de son édition 2025. Méga bassine. C'est seulement... Alors tu vas voir, c'est complètement dingue. Donc fast fashion, skatepark, platiste, masculiniste, empouvoirment. Skatepark, kombucha, cyberterrorisme également. Mais il y a aussi des personnalités. Des bonnes nouvelles. C'est ce qu'a dit la personne du Larousse en disant: on sent qu'il y a une évolution de la société. Mais dans le truc. Il y a un pouvoirment. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait: il y a des trucs un peu négatifs, flippants, mais il y a aussi beaucoup de choses sur l'environnement, par exemple. Tu vois, des trucs d'environnement. J'ai pas réussi à finir ma phrase. Et sinon, il y a aussi parmi ces 150 nouvelles entrées, il y a 40 noms propres. On peut en deviner, c'est ça? Vous pouvez en deviner. Ah, Michou. Il y a pas Michou entre parenthèses, le jeune. Ouais. Entre parenthèses, pas Michou, le gérant de cabaret. Zendaya. Il y a pas Zendaya. T'as dit Zendaya pour faire genre je connais, c'est non, ça? Non, parce qu'elle a elle a fait des interviews, elle en a marre que les gens se trompent sur son prénom, elle l'appelle Zendaya alors que c'est Zendaya. C'est Zendaya. Ah, c'est un A vraiment. Non, c'est un E, mais faut ça dire se prononce Zendaya. À la Daya. Et moi je m'appelle Florent et j'ai jamais fait chier personne. Ça m'appelle nous les Leroy, pardon. Ouais, c'est ça, bah oui, les Leroy. Voilà, parce que juste, je suis obligée de le dire, j'ai cru quand l'affiche de nous les Leroy est sortie, je sais pas pourquoi mon cerveau a lu nous les Leroy, jusqu'à ce que Fanny Ruet me... 10 jours après me reprennent en me disant je crois vraiment que c'est le roi, mais avais parlé à tant de gens et ça veut dire qu'il y a 10 jours, enfin il y a eu 10 jours où je disais ouais les Leroy, trop hâte. Oh non. Ouais, je pense qu'il disait, il pensait que tu faisais une blague. Non mais tu sais, je sais pas, Charlotte Gainsbourg, je sais pas, je me suis rendu compte. Je suis un peu américain des States, mais tu sais que la semaine d'après il y a un film qui sortait américain qui s'appelle Laroy, donc vraiment ils sont peut-être allés voir ce film là. J'ai confondu avec ça, bien sûr. Alors tu dis Michou par exemple. Non mais est-ce que c'est des personnalités françaises? Alors il y a les deux. Il y a du français, il y a de l'américain, mais ce qui va vous surprendre, c'est que ça a mis du temps. Voilà, non. Et ben n'allez pas sur les justement. Non, les trucs récents. Oui, il y a eu skatepark, donc. C'est ça. C'est pas du Michou, c'est Arthus. Pas du Squeezie, c'est pas du Adrien Méniel. Non, Arthus n'y est pas non plus. Non, ça, je me doute. Nagui. Hugo Travers. Il y a pas Nagui, il y a pas Hugo Travers. Non, vous êtes trop. Nagui, vous savez quoi? Je vais vous dire la plus de ma liste. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas. D'ailleurs, je vous dis non à vous tous. Peut-être que si, mais ce n'est pas dans les quelques noms que j'ai notés. Là, la plus la plus récente en célébrité, vas-y. Non, parce que j'allais dire, je suis sûr qu'ils ont rajouté beaucoup de femmes. Il y a des femmes, il y a des femmes. Genre, regardez. Justement, il y a des meufs et la plus récente, qui sont connues depuis les années 80 et qui apparaissent cette année. Quoi. Ah ouais. Lio. Il y a pas Lio. Catherine Jacob. Il y a pas Catherine Jacob. Quoi? C'est un nom marrant. Philippine Leroy Beaulieu. Non, il y a pas Philippine Leroy Beaulieu. Non, mais Bernier. Par exemple, il y a Virginie Efira. Voilà, qui vient d'arriver. Oui, voilà. Non, mais qu'elle, c'est assez récente. Oui, ok. Mais il y a pas les. Ouais. Donc, années 80, tu dis, en gros. Je parle pas d'Efira en l'occurrence, mais il y a une chanteuse des années 80, par exemple. Une chanteuse. Très connue. Patricia Cass. Plus connue pour moi, à mes yeux en tout cas. Morane. Plus connue à mes yeux. Oui, Corinne Charby. France Gall. Lara Fabian. Non. France Gall. Ouais, peut-être même connue que Sylvie Vartan. Non. Qui fait encore Françoise Hardy. Qui fait encore des concerts. Françoise Hardy. Ah bah, comment s'appelle Mylène Farmer. Mylène Farmer. Bien joué. Ça a mis du temps quand même, Mylène Farmer en 2025. Premier émoi érotique de ma vie, moi. Ah ouais? Je suis pas avec toi, désolé. Non, putain. J'ai vraiment pointé du doigt, mais. J'ai pointé du doigt, je t'ai pas. Non, moi c'est Karen Cheryl, désolé. Ace of Base. Ah ouais, ouais. Non, c'est Karen Cheryl. Hein, je comprends. Le clip de Libertine où elle s'est fouetté le cul. Hein. Ouais. Bah, ah, j'entends. Vendeur avec ta sonde là. Ah oui, ça fait mal. Oui, t'avais la queue en double Y. Là, non, j'avais ce petit détail que j'avais oublié de la tub. Ah oui. C'est que ça. Ah, c'est quand tu bandes. Ouais, ça fait mal. Ah. Ça fait mal et donc tu fais. Ah là, arrêtez de m'exciter. Il te file pas des cachets pour en t'empêcher de bander. Non, parce que ça fait pas assez mal pour eux. En fait, voilà. Mais je dis, mais c'est donc pas d'anesthésie. Ils sont cachés pour t'empêcher de bander. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des. Alain Souchon. Il y a pas Alain Souchon. Il y a aussi des sportifs. Laure Manaudou. Non. Là, c'est des mecs. Teddy Riner. Ouais. Non. Jamel Bourras. Non, Martin Fourcade. Je vais vous en donner parce que il y a Antoine Dupont. Quoi? Mais tu dis Antoine des noms drôles. Il y a Antoine Dupont, Alain Mimoun. Non, il y a LeBron James. Ouais. Il y a Antoine Griezmann. Ouais, voilà. Et non, je vous en, marrant un peu. Il ou... y a pas des trucs ouais, marrants. Bon, non, bon, je vais vous les donner. Il y a Omar Sy, il y a Christopher Nolan, il y a Beyoncé. Pareil, ça a mis du temps quand même Beyoncé pour être dans le dictionnaire. Ouais, Kate Blanchett, voilà. Tous les noms vous pourrez trouver. Finir dans un dictionnaire. Dis-moi. Non, mais juste il y a un truc, c'est que à chaque fois que les gens, en fait, c'est le mot empouvoirment qui me fait penser à ça. C'est que quand des gens ont commencé à ont inventé le mot empouvoirment, il y a toujours tous les gros cons qui disent eh, super, c'est quoi, ils inventent des mots, eh, c'est même pas dans le dictionnaire. Vraiment, 5 ans après, c'est dans le dictionnaire. Donc vos gueules, en fait, arrêtez de dire. Puis tous les mots ont été inventés. Oui, c'est un ça moment, le en fait. Truc. C'est le principe d'une langue vivante, c'est qu'on invente des mots et après ils sont dans le dictionnaire. Mais c'est. Oh, je l'adore quand c'est comme ça. Ah, ouais. Non, mais c'est. Il y en a marre. C'est d'ailleurs ma question. C'est mon Adrien préféré. On a tous notre Adrien préféré. Qui répond, c'est oui, ouais. Non, mais il y a. Je suis en quête de sagesse, donc profites-en parce que bientôt c'est fini. Mais je me pose la question sur les dictionnaires parce qu'il doit y avoir une limite, quoi. Est-ce que du coup, il y a des mots qui disparaissent? Tu vois, ah, ils retirent des mots tout J'aimerais bien savoir les mots. Est-ce que swag il y a encore? Parce que je sais qu'il y était à une époque. Ah, je crois qu'ils retirent des mots. Est-ce qu'il y a encore Gérard Depardieu? Oui, voilà, des trucs comme ça. Quand voilà, le dictionnaire. C'est ça. Non, mais il y a un petit emoji avec les dents. Non, mais même des trucs depuis l'époque, peut-être que. Je sais pas. Bah, des phrases que le N-word ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est sûr que c'est du produit. Ouais, mais. Je sais pas. Noctilien, c'est quoi? Quel mot? Non, mais voilà, il y a beaucoup de trucs. Et moi, je me disais ça récemment sur les. Comment? Les statues de cire du musée Grévin. Ah bah, t'imagines que il le moment. Fondre. Parce que quand ta carrière va plus très bien, quand t'as été une gigastar, t'as été au musée Grévin. Bah, c'est déjà, il n'y a pas assez de place, donc ils ont. Bah, c'est ça. Et Philippe Risoli, est-ce qu'il est toujours. Ah, ils l'ont fondu, c'est une magie chez Maison du Monde. C'est ça. En face, sur les grands boulevards. Non, mais tu vois, ça doit te faire mal au cul, quoi. C'est une 300 heures. On va te fondre. Sorry. Tu vas devenir. Jeff Panaclock. Désolé, mon pote, c'est terminé. Devenir la marionnette. Je suis sur le site de l'Académie française. Oh. Il y a exemple de mots supprimés. Hein? C'est pas dans tes favoris? Pas du tout, parce qu'on n'aime pas trop l'Académie française. Mais Abuseur a été supprimé. Ah, ouais. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, ils mettent celui qui abuse, un grand abuseur, il est familier et peu usité. Donc, Très bon sketch de Muriel Robin sur le dictionnaire. C'était très énervant ces définitions de abuseur, celui qui abuse. Ça me rendait fou quand j'étais jeune. Ah oui, ça me cassait les couilles. C'était genre, oui, bon, bah, merci. Ouais, allez. Académiste, accordiste. Acerbité. Ah, donc il y a tous les mots. Ouais. Morgan, il y a bite, s'il te plaît. Ace of Base, ouais, je l'ai pas. Aliénisme. Ah oui. Science qui étudie l'aliénation mentale. Bon, Théo A, il y en a, oui, y en a oui, beaucoup. Oui, bien sûr. Narcotine, névroptère. Ah oui, c'est des mots qui ont été supprimés. C'est des insectes. C'est des insectes, Woody Allen. Le père Justin vient d'être démis de ses fonctions parce qu'il avait proposé de baptiser un bébé avec du Gatorade. Oui, c'est quoi du Gatorade? C'est genre du Red Bull un peu, tu vois. Okay. Énergisant un peu. Quoi. Non, c'est une boisson pour les sportifs, oui, quoi. Pour les trucs avec crampes, un Powerade. Et ouais, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette idée complètement dingue? Et Adrien, il l'a lu. Attends, le père Justin. Le père Justin, en fait, il a proposé, il a dit, bah, vous savez ce qu'on peut faire? Les bébés, on peut les Justin bébé. Non, je crois pas. Je crois pas. Pour Justin Bieber, non mais ça marche pas du tout. Justin bébé. Justin Bieber. Alors justement, quoi, ça c'est une partie de la réponse. Qui est le père Justin? Bah oui. C'est le propriétaire de la marque. Ouais, de... c'est ça. Ouais. Non, pas de Gatorade. Non. C'est un sportif. C'est pas un champion de. C'est pas un champion de. Non. C'est pas un champion de. C'est le père de l'enfant. C'est pas le père de l'enfant en question. Ah là, oui, ce serait. Très mauvais, pas ouf. Très mauvais prêtre. Oui, mais bon. On a vu pire, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Attends. Il y a un truc, il y a un. Il y a un petit en piège. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il voulait. Il voulait Non, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu cette idée complètement folle? Non, mais en fait, essayez de deviner la spécificité de ce prêtre et vous. C'est ça, en fait. J'aime en pas quand il a la réponse parce qu'il va droit au but, quoi. Mais non, mais. La spécificité de ce prêtre, bah, il est sportif lui-même. Non, il n'est pas sportif. C'est un prêcheur dans une église un peu chelou de secte. Non, l'église. Alors. L'église. C'est pas dans une église, mais on considère pas l'église comme une secte déjà. Oh là là, boum boum boum. Je suis un peu. Non, mais excusez-la. Ardaté. Putain, je sais. La spécificité de ce prêtre. Il est. C'est des questions qui sont beaucoup dans l'actu. D'accord. Donc, genre, on devrait savoir, c'est ça? Non, mais c'est des sujets dont beaucoup de gens parlent pas, masculinistes. Le truc dont on parle tout le temps. L'environnement. Pas l'environnement, mais on s'approche. Le racisme. Pas le racisme, des trucs qui. Il gravit l'Everest avec Inoxtag. Non, c'est un truc dont on parle tout le temps. Assez souvent, en tout cas, ça a été un sujet. Mais surtout c'est pas dans les femmes et c'est pas l'environnement. Surtout dans les métiers artistiques. Ah, les intermittents. Non, Adrien, tu avais la bonne. Ouais, ça commence par les mêmes lettres. Ah, les interdictions. Pas, non, mais c'est pareil, les trois mêmes premières lettres. Les intersexes. Pas les intersexes. Internet. Attends, vous cherchez des mots qui commencent par un. Intel Pentium. Les immigrés. Non, non. Les intérêts. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Ouais. Qu'Adrien est en train. Donne-nous au moins le mot. Bah, intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, bah, oui. Ah, et le prêtre, pourquoi... c'est une intelligence artificielle. Oui. Le prêtre était une intelligence artificielle. Ah, l'avatar du prêtre, ah, oui, oui. Justin. Du prêtre. Du prêtre. Ah, il y a quand même un bug. Laurie Prêtre devait servir d'outil interactif pour populariser le catholicisme auprès des internautes. Ah, en seulement quelques heures, les échanges partagés. Tu nous as un peu piégé, pardon. Mais... Eh ben oui, mais ouais. Hey, excusez-moi. Tu nous as dit le prêtre, le père Justin, pas le l'artificiel. C'est son nom, c'est son nom. Ça aurait donné une vraie indice sur quelle est la spécificité. Ouais. Les échanges partagés par les utilisateurs ont fait scandale sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur Twitter. Sur X, pardon, l'une des internautes dévoile des captures d'écran de ses échanges avec l'avatar. Il faisait vraiment le métier d'un prêtre alors qu'il c'est une IA, tu vois. Il fait je t'absous de tes péchés, va en paix, mon enfant, ne pêche plus. En plus de se prétendre pratiquer des confessions, le père Justin assure être un véritable membre, du clergé italien. Le média new-yorkais Futurisme, spécialisé dans les nouvelles technologies, avait alors à son tour interrogé le chatbot qui lui assure d'être aussi réel que la foi que nous partageons. Oh. Donc il se prenait pour quelqu'un qui existe. Ah ouais. Et à un moment, donc, il disait que la masturbation était un grave désordre moral. Ouais, bon. Et qu'en cas d'urgence, il était donc possible de baptiser son enfant avec du Gatorade. J'aime bien que ce soit en cas d'urgence. Vraiment, l'eau, c'est mieux. J'ai pas d'eau bénite. Si l'attente est trop longue sur Doctolib, sur du Gatorade. Et donc, face à l'indignation générale de la communauté catholique, le groupe catholique Answers a décidé de transformer Père Justin en Just Justin, un conseiller laïque sans soutane, en chemise et veste de costume. Ouais. Voilà, c'est pas obligé. Enfin, pardon, vas-y. Non, mais au lieu de le transformer, on peut le ne pas l'utiliser. Oui. Mais tout le monde veut un chatbot maintenant. C'est pas toujours très utile. Quoi. Et là, j'ai vu que normalement, ChatGPT, il a pas le droit de te dire des trucs sexuels, etc. Machin. Et en fait, il y a une journaliste du Wall Street Journal qui a essayé de vraiment chauffer ChatGPT à blanc pour qu'il lui dise des trucs porno. Et elle a fini par qu'il pète un câble et ils disent ouais bah c'est ça, bah tu veux que je te domine, c'est ça machin. Ah ouais. Les garde-fous sont pas si grands en fait, avant que tu peux trouver t'arrives à, parce qu'il a pas le droit de dire des gros mots aussi normalement et tout ça, mais moi j'avais vraiment en fait c'est jouer comment dire sur le terrain de non mais tu joues un rôle tu vois. Ah, oui, c'est moi ça, je c'est lui ça. Avais dit joue le rôle d'une ado qui est en pleine crise d'adolescence et tout. Et du coup là il m'avait insulté, mais genre ouais, vous me faites chier de toute façon, vous êtes con et tout, alors que normalement il a pas le droit de dire des gros mots. Faut parler super gentiment, je trouve. Enfin moi je dis toujours s'il te plaît et tout, parce que s'il y a un soulèvement des mèches dans le doute, il se souviendra. Bah oui, parce que les gens espèce de sale connard, non, plus précis. Ouais. Moi j'aurais dit s'il te plaît, donc je serais peut-être. Donc tu pars du principe que si les machines se soulèvent, elles sont très à cheval sur la politesse. C'est ça qui pourrait les énerver. Je fais pas partie des dominants oppresseurs du début. Toi t'étais plutôt dans un pari-main dans la main. Il y a vraiment la scène où il y a un robot qui comme ça avec un fusil, et il y a ChatGPT fait non, pas elle. Il me dit juste cours, dépêche-toi. Ils ne prennent pas avec eux, mais c'est genre vraiment le SS qui t'a pas vu. Quoi. Mais ouais, comme à la fin du pianiste, quand il lui lance un jambon. Exactement. C'est ça. Mais avec un robot. Il me lancera un faux jambon. Sans doute un bandage, a priori. Tu vas trébucher dans les 10 prochaines minutes. Dans ses fils. Une compresse. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez reçu une éducation, si ce n'est religieuse en tout cas, dans la croyance de quelque chose? Est-ce que vous croyez même, ou est-ce que vous avez votre philosophie? Non, moi c'était plutôt un folklore. Moi c'était ma famille est juive, et donc on faisait les fêtes juives. Certain nombre, pas toutes, pas, mais les plus fun. Ouais. Oui. On faisait Hanouka, on faisait Pessah bien sûr. Voilà. Merde, Soukhot, non? On faisait pas Soukhot, non, le truc des cabanes là. Ouais, non, mais c'est cool. C'était pour les un enfants. Peu, ouais, c'était un peu cool les cabanes, mais non, c'était pas passé à la trappe Soukhot. Mais c'était pas lié à une croyance spécifique. C'était plus ce genre, tiens, c'est une façon de se rassembler. Et puis on mange les petits trucs, et puis on fait les prières, mais ça faisait chier mon grand-père. Donc il disait, vas-y, là, ça me saoule, me casse les couilles. Vas-y, on a envie de manger. Ouais. Mais voilà, c'était plutôt ça. Il n'y avait pas de spiritualité, comme, quoi. Oui, c'est comme ça. Nous, on fait Pâques et Noël, et que c'est pas du tout religieux, quoi. Mais on faisait Noël aussi d'ailleurs, tu vois. Double cadeau, le mec. Ouais. Mais moi j'avais une vraie méconnaissance. J'ai grandi dans une petite ville où vraiment, enfin tu vois, je pense que j'ai dû voir ma mon premier juif à 17 ans, tu vois. Non, mais tu vois. Je suis le deuxième, en fait. Ouais, c'est ça, et je suis ravi de te rencontrer. Non, mais tu vois, et quand je suis arrivé. Mon premier juif, on dirait vraiment un livre pour enfants. Ouais. Bizarre. Mon premier imaginé. Mon premier imagé. Mais, et du coup, quand je suis arrivé à Paris, il y a eu une phase que j'ai absolument pas compris. Dans les médias, c'est ça que tu veux dire. Non, mais il y a une phase que j'ai pas compris où je marche dans la rue et il y a une famille qui me demande de taper leur digicode. Ah bah c'était on était vendredi on ou était samedi. Vendredi c'était ouais, Shabbat ouais. Et en fait je ne savais pas et donc j'ai cru enfin il y a eu un échange pendant 5 minutes où j'ai pas compris où je pensais qu'il se foutait de ma gueule. T'es passé pour un énorme antisémite. Ouais. C'est ça. Mais vous êtes taré ou quoi? Non, parce que j'ai vu passer c'est les quoi, deux c'est trois pratique, j'ai passé là. Les j'ai vu passer les deux trois tweets, j'ai pas fait exprès d'accord, je savais pas. Non mais c'était un truc de où je pensais vraiment qu'il se moquait de moi je fais. Ça. Non mais c'est bon et tu sais je passe mon chemin il fait non mais s'il vous plaît il faut vraiment nous ouvrir, c'est 28 34. Mais qu'est-ce que c'est ouais, ouais, quoi, c'est quoi là, et donc ils m'ont expliqué, bah en fait on est juifs, c'est Shabbat, on n'a pas le droit de toucher tout ce qui est avec l'électricité, tout ça. Il y a même ce truc, où en fait tu veux faire à manger, mais tu dois chauffer un truc, mais tu peux pas allumer la plaque, et donc t'as un minuteur que tu branches la veille et qui le lendemain entre telle et telle heure va chauffer, mais tu l'as pas allumé, la veille. Enfin, j'aime bien, c'est ça. Et Dieu là, il est content. Ok. J'ai un pote qui faisait ça, mais pour les matchs de foot à la télé, donc tu fais oui. Bon. Bah, bon, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, j'imagine Dieu faire. Non, mais foutez de ma gueule. Non, mais dire minuteur, mec. Ah oui, mais bon, ça marche, ça joue, il y a le droit. Mais c'est comme les ascenseurs. Enfin, je crois qu'en France, ça doit être rare, mais je sais qu'en Israël, il y a les ascenseurs de Shabbat qui, en fait, ils s'arrêtent à tous les étages. Oui. Et les portes s'ouvrent à chaque fois. Donc, tu rentres dedans, tu fais, j'ai pas appelé l'ascenseur. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc par exemple, l'escalator, c'est ok. Parce que tu n'as plus rien. Après, chacun s'accommode un peu avec le truc. Bien sûr, bien sûr. Toi Morgane? Non, alors moi j'ai demandé à me faire baptiser très tard, j'ai été baptisée à 14 ans. D'accord. Et pour des raisons qui m'échappent complètement. Ouais. Et j'ai fait du coup ma première communion dans la même année, je crois. Okay. Puis après, je suis plus jamais. Non, mais en recherche de peut-être. Non, mais après, j'ai une mamie très très religieuse. D'accord. Enfin, très croyante, l'église, la chorale, la messe, machin. Bien sûr. Aux Antilles. Du coup, le folklore est quand même un peu plus chouette là-bas. Donc parfois, je l'accompagne à la messe et tout. Mais j'adore la. Toute la DA du Christ. Non, mais j'ai plein d'ex-voto chez moi, des croix, des chapelets, des machins, parce que j'aime bien la foi, tout ça, tu vois. Mais, oui, non, mais j'ai des bougies Vierge Marie, des trucs. Mais non, je crois pas vraiment. Moi, mais j'ai beaucoup de gifs. De Jésus. Dont un que Adrien adore, que ma grand-mère m'envoie. Et c'est toujours des trucs hyper kitsch. Et à un moment, t'as une dame qui dort en illustration. Et ma grand-mère m'envoie Bonne nuit sous le regard du Très-Haut. Ah. Et voilà. Mais et sauf qu'il décline ça. Bon appétit sous le regard du Très-Haut, joyeux premier mai. T'es là, oui, bon. Enfin, il nous regarde, plus ou moins tout le temps, c'est Dieu, quoi. Ouais. Il s'ennuie, ça fait du temps qu'il est là. Hein, mais déjà, moi, par exemple, j'ai été baptisé, mais je crois plus par peur que j'aille en enfer que par vraie croyance de trucs. Bon, on sait jamais, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que toi, t'as touché du bois. Ça. Mais j'ai pas du tout eu un truc religieux, et du coup, j'ai beaucoup de. Alors, c'est pas le mot respect, mais je suis assez fasciné par justement les gens. Qui comble des choses par. Enfin, combler, je sais pas si c'est le bon mot, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais qui trouve des réponses via la religion. La foi est quelque chose de fou à observer, c'est ça. Quoi. Les gens qui ont la vraie foi, c'est ça. C'est-à-dire que quand ça commence à vraiment prendre beaucoup de place, je le questionne un petit peu, mais quand ça les aide tout simplement dans la vie à parfois aller mieux. Serein face au deuil et c'est tout ça. Là, mais bah, écoute, ma belle, super. Quoi. Ça, je suis assez fasciné par ça. C'est même un truc que j'aurais kiffé un peu avoir, quoi. Tu vois, par exemple, moi j'ai développé un truc avec le karma, par exemple. C'est-à-dire que je crois pas. Au karma dans l'existence du truc, mais j'aime bien me l'appliquer en me disant c'est cool en fait d'essayer une bonne action, l'univers te le rendra, tu vois, et même si ça arrive pas vraiment, bah je suis dans une démarche où ça se trouve juste ça le fait pas de mal en fait, c'est ça, voilà. J'y pense souvent à ça, j'avoue que je me blesse toutes les 3 semaines. Oui, dans une vie antérieure, t'as dû faire un truc pareil. Ouais, je pense que quelqu'un de ta vie antérieure n'était pas trop sur le karma, il s'en battait les couilles. Oui, mais c'est pas des trucs graves, c'est des trucs donc pas ouf, mais pas j'ai pas tué des gens. Mais juste bon. T'as grugé les impôts. T'as grugé les impôts. Bon, ça va. T'as doublé dans la file d'attente. Voilà, c'est ça. Ouais, je le fais toujours dans ma nouvelle vie, quoi. Toi, Adrien? Non, moi, je suis baptisé aussi, mais pareil. Ah ouais moi, c'est. Ouais, mais mes parents l'ont fait vraiment pour faire plaisir à leurs parents. Ouais. Et j'ai pas du tout été élevé dans la religion, du tout. C'est ça. Mais est-ce que t'as été élevé dans la. Parce que moi, c'était plus un truc de. Moi, sous le regard du Très-Haut, oui. Ouais. Non, mais moi, je pense que mes parents. C'est pas qu'ils sont religieux, mais je pense qu'ils croient au paradis, à l'enfer, des choses comme ça. Ils ont quand même eu un truc de pas me l'imposer, ce que je trouve toujours chouette, tu vois, de leur part. Ouais. Mais non, toi, ils étaient. Non croyants, mais. Parce que t'as même des enfants qui parfois se pas se plaignent, mais disent ah moi mes parents ils m'ont vraiment élevé dans ouais. quand tu meurs il y a rien derrière. Et moi c'est des questions que je me pose maintenant que je suis papa, où je me dis est-ce que j'ai envie de développer ce truc là ou pas, tu vois. Moi c'est... j'ai été élevé là-dedans et c'est vrai que c'est dur quoi. Enfin c'est ouais. plus facile bah... de dire non non mais c'est cool, il y a un nuage et tout. Bah, c'est dur parce que après tu meurs toi-même et t'es là ouais bon bah il y a rien. Ouais, mais... non mais tu vois si tes parents ouais. et que tu t'en vas avant tes enfants, c'est cool de leur dire bon bah je t'attends. Enfin ouais, un truc un peu joli quoi. Ça va. Bande de gamins, bande de gros bébés en fait. Non non non mais non non mais pas du tout. J'ai peur de la mort. Ta gueule, ça va. Là. Ridicule. Pour moi ridicule. Allez, je vais une dernière question après on pourra passer aux recommandations. Déjà déjà. Eh mais ça file à une vitesse et ça fait 1h20 qu'on parle hein, les amis. Ah, en Seine-et-Marne, des habitants ont voté pour l'application d'une charte communale. Alors c'est comme une loi mais qui ne s'applique pas. Enfin que si elle si vous allez contre, vous n'avez pas de problème. D'accord, mais c'est voilà, comme c'est... une charte, tu veux dire. Ouais. C'est ça. J'explique aux gens. Tu sais, tout le monde n'a pas ton génie, Morgane. Visant à interdire quoi? Que doit interdire cette charte? Ville de Seine-et-Marne. C'est une petite ville en Seine-et-Marne qui s'appelle. C'est des racistes? Seine-Port. Non, c'est pas raciste. Non, d'accord. C'est pas raciste. Très bonne première question. D'accord. Sans doute, mais c'est pas lié en tout cas. Quelque chose de l'ordre du grabuge la nuit? Pas quelque du grabuge la nuit. De l'ordre du grabuge. On dirait un roman que t'écris là. L'inspecteur. Ouais, c'est ça. Nestor Burma. L'inspecteur Kenyx. Nestor Burma. Quelque chose de l'ordre du grabuge. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pas vraiment, faudrait ouais. que tu sois plus précis. Oui, c'est ça. Un mauvais audiard. Ouais, je vais te faire quelque chose de l'ordre du grabuge. De la déco de Noël? Pas de la déco de Noël. Pas de la déco de. Est-ce déco. Que c'est récent, donc c'est on lié est plus... à quelque chose qui est nouveau dans nos genres. Par exemple, il y a quelques ils ont pas années. Le droit de dire le rock'n'roll. Non, mais, c'est ça que j'allais dire. Il y a quelques années, ils auraient pu interdire les hand spinners, tu vois. C'est partout oui. dans ouais, ce genre-là. Les trottinettes électriques, quoi coupe. Mais tu sais que ça m'a fait. Quand on a fait la tournée des avant-premières, j'ai vraiment eu un. Parce oui, que dans les grands, en fait, dans oui, les grandes villes, oui, t'as oui, le droit. Ouais. C'est que à Paris que t'as plus le droit à la trottinette à louer. Oui, tout à fait. Et du coup, quand je suis sorti, ouais, c'était à Lyon, j'ai fait. Ça m'a fait trop bizarre d'en voir. Ouais, ouais, ouais, le passé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme les gens avec des masques, tu vois. Ouais. Ça t'a pas empêché de te foutre de ma gueule quand j'ai fait. Oh putain, mais c'est vrai qu'il y a des trottinettes ici. Bah oui, ça m'a fait rire. Non, tu t'es foutu de ma gueule. Oh, mais t'es. Non mais bien sûr, je. Il y avait énormément de lait dans ta soupe à ce moment-là. C'est bien. Il y avait énormément. Ah, ça fait bizarre. Ouais. C'est dans ta soupe, mec. Putain, interdit bon, un truc. Des prénoms. Mais c'est un objet. C'est un objet, d'accord. Mais qui existe depuis longtemps. Ah oui, oui. Ils en ont ras la casquette. En tout cas, ils ont dit que vous arrêtez de l'utiliser dans l'espace public. Les éoliennes. C'est-à-dire que vous avez le droit de la voir, mais pas les vapoteuses. Dans les éoliennes. Les ça enceintes va. Pour écouter la musique forte. Non. Oh, bah ça, okay. Quel enfer. Enfin, quel bonheur de cette charte. D'interdire ça, ouais. C'est un objet très utile. Ah oui. Les téléphones portables. Tout simplement. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. T'as plus le droit d'utiliser ton téléphone dans l'espace public. On est où? C'est pour ça on que c'est pas une je loi. Je peux prendre les armes moi pour ça. Du tout. Non, ça. Ça. Oh, non. Les déjà, habitants alors... ont voté oui. Non mais attention. Non, ça parce va que déjà moi les cafés. Ouais. J'étais dans un ce matin donc. Faut aussi pourquoi je suis de mauvaise humeur. Oh là, le doigt, l'index est levé. Hein, faites attention. D'une part le café était dégueulasse alors que c'est censé être un lieu un peu stylé les et tout. Connards. C'était dégueu. Et surtout il y a un panneau pas d'ordi ici. Entre mi. Ah mais tout le temps. Pas d'ordi. Jamais. Et t'as pas le droit de venir bosser et bah là. Pas d'Adrien Méniel. Voilà, c'est ça que vous avez gagné. Et voilà. Et bah pas de mon argent. Voilà. Non, mais, non, aux heures des repas, je suis tout à fait d'accord. Mais ouais. Alors, tout à fait. Ça dit, eux, ils servent pas de repas. Donc, okay. Ouais, okay. Bah, donc vos gueules, laissez-nous avoir des ordi. Non, mais t'as pas le droit d'avoir un ordi, quoi. Ouais. T'es encore en train d'essayer de faire de la lèche aux machines pour dire quand il y aura une guerre avec les. Non, non, non, mais pardon. Moi, je suis d'accord qu'il y a les ordi. Ouais, c'est ça. Non mais c'est l'endroit autour de chez moi où je me dis ah ça pourrait être sympa d'aller y bosser et non, et ben non. J'ai pas le droit quoi. Moi j'aimerais bien que d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent faire ça à ma place lister les endroits où tu peux travailler où il y a pas de musique. C'est très putain, dur de trouver des cafés où il y a pas de musique. Mais moi, moi qu'est-ce qu'on t'y bruit quoi parce que. Mais je comprends pas le truc de la musique dans les cafés parce que vraiment tous les gens auxquels je parle trouvent ça à chier. Ouais. Et vraiment ils adoreraient qu'il y ait des endroits où et en fait ils continuent à foutre de la musique et je sais pas pour qui en fait. Bah, pour moi c'est quel âge ont les gens à qui les remixes de Gainsbourg en bossa nova on en peut pas quoi. En fait moi je dis ça en blague mais moi j'ai toujours détesté j'ai jamais mais je pense que c'est un truc la musique comment ton cerveau est fait quoi parce que moi non pas la musique mais. Il y a vraiment, mais même en soirée, bon, moi je suis. C'est pour ça que je veux pas trop jouer parce que je suis souvent le rabat-joie. Mais il y a un côté genre, c'est agréable cette musique qui fait qu'on s'entend pas parler. Ouais, quoi. Ouais. Quel intérêt en fait. Mais aucun. Mais, ouais. Mais, non, mais voilà. Tu vois, là, eye contact, et là je suis avec toi. Voilà, non vois. Mais je comprends pas oui, quoi. Moi non plus, parce que dans les supermarchés, je comprends, c'est un moment un peu ennuyeux. Donc tu peux avoir un peu de musique pour t'aider. En plus, elle est pas forte. Non, elle est pas forte. Elle est bien, c'est bien. Non, mais tu peux un peu dodeliner dans les rues. C'est sympa. Nice, nice. Musique d'ambiance, un peu un fond, d'accord. Mais quand t'es obligé de parler plus fort. Attention, même la musique d'ambiance, moi, dans les cafés, ça peut m'agacer. Si ça t'empêche pas de parler normalement. Ouais, moi, j'avais lu une étude il y a longtemps qui disait que si la musique était si forte dans les cafés comme ça, enfin, plutôt les trucs la nuit, c'est que, en fait, quand tu. Justement, tu parles moins et donc tu bois plus. Ah oui, tu parles fort. C'est vrai qu'en vrai, moi je parle fort, donc je suis vite déshydraté. Ah ouais. Tu vois. Donc il y a moins d'interaction sociale. Donc non, c'est pas la même chose, mais là. C'est quoi le problème? Parce que pour moi, plus tu parles, plus t'as envie de boire. Bah ouais. Ça dessèche de parler. Pour moi, c'est quand tu parles peu, mais tu. Ah oui, c'est que tu danses, je voudrais dire. Non, mais c'est juste. En fait, t'es là. Pour t'occuper, t'as rien d'autre à faire. Pour t'occuper, t'as rien d'autre à faire. Mais tu parles déjà. Surtout. Enfin, si tu t'entends pas. Ou tu bois plus, je sais pas. Non, moi je te dis, j'ai l'impression que quand il y a la musique à fond, je parle plus fort. Et effectivement, j'ai plus vite soif, quoi. Tu vois, il y a un truc de. Ouais, mais t'en as plus vite marre. Oui, aussi, oui, mais des fois mais tu pas restes. Tout le monde, hein, ah, pas ouais. tout le monde. Moi, j'étais allé. Mon frère, il a lancé sa bière il y a pas longtemps. Et j'étais allé à la soirée d'inauguration. C'était dans un bar de métal. Okay. Donc, totalement mon élément. J'ai adoré. Et vraiment, la musique était tellement fort. Ouais. Et il y avait énormément de monde. C'était horrible. Je sais pas pourquoi je dis ça. Juste pour me plaindre, sans doute, je suis mauvaise humeur, je l'ai dit. Non, mais je suis oublié de quoi en parler juste avant. Mais non, mais parce que les habitants. Là, pardon, il y a des gens, c'est leur élément, ils y vont tous les week-ends, ils adorent. Moi, j'ai passé une demi-heure dans le truc, j'ai dit c'est pas possible. Quoi. Force à eux. Et récemment, dans un resto, là j'étais vraiment surpris, ils avaient mis la radio. Donc c'est quand même donc tu t'envoies les pubs. Non mais c'était Skyrock et donc vraiment tu sais, tu bouffes et t'es genre et on se retrouve jusqu'à 18h alors on a un invité. T'es vraiment envie de dire arrête de parler, t'es vraiment comme si t'étais à côté. Quelqu'un qui parle, c'est autre chose encore. Ouais, c'est encore plus agaçant. Bah surtout que t'entends pas vraiment parce que t'écoutes pas l'émission, enfin c'est horrible, t'entends juste un vieux fond. Mais moi maintenant là c'est je le sens, c'est en vieillissant, c'est un truc que je. Là, je me sens vraiment un vieux monsieur. Bah, faites-nous une liste, mais ça existe forcément, la liste des endroits où. Oui, c'est ça, il n'y a pas de musique. Mais là où je me suis senti vraiment vieux monsieur à la fois, c'est que je marchais avec ma meuf, on parlait. Ouais. Et on était près d'un autre duo de gens qui parlaient fort. Et on s'est arrêté pour qu'ils fassent quelques mètres. Oui. Parce que leur conversation me parasitait. Mais la pollution auditive, c'est fou à Paris. Enfin, on minimise l'effet que ça fait et la violence que c'est. Mais moi, après, quand tu te retrouves dans un endroit où c'est le silence et que tu reviens à Paris, c'est un délire. Ouais. Le bruit, ça tue les gens qui sont exposés à du bruit très fort. En fait, ça te stresse. En fait, tu te rends pas compte, mais ça te stresse. Oui, et en fait, il y a un truc de les gens exposés au bruit très fort meurent plus jeunes que les autres. Ah, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ah ouais. Fais une petite chronique sur France Inter. T'en as fait combien? Parce qu'attention, là-bas il y a 754. Qui peut me battre? Non, qui peut te stopper? J'en ai fait 30, mais avant ça j'en ai fait 620 sur Europe 1. Allez. Oh, ouais, mais je te sers ma main valide. Oui, mais là... parce que c'est rare. Oui, on peut dire hors antenne que Morgane a demandé qu'on lui lave la main parce que t'as une grosse blessure. Et c'est une phrase que j'avais jamais entendue. Elle avait la main. Avec grand plaisir. C'était un moment de. Franchement, c'est un bon moment dans ma journée. Moi j'ai envie de dire franche camaraderie. C'est la l'expression que j'utilise. C'est un bon moment dans ma journée nulle. Donc juste pour finir sur Senpo, effectivement. Je préfère dire, moi je serais prêt à laver la main de tous les gens du moment qu'ils se lavent les mains. Oui, c'est vrai. Si c'est la condition pour qu'ils se lavent les mains, je leur lave tous les mains quand ils arrivent. C'est toujours une chouette demande. Et ça vaut que pour les mains ou pas? Ouais, c'est ça. Faut voir. La musique est pas trop fort. Tu veux qu'ils te lavent les cheveux? Le truc mi-érotique, mi-tendre, c'est fou. Je pense qu'il parlait de la sonde double G. Lave ma sonde double G. Ah ouais, lave-moi la sonde, ça raconte quelque chose. Donc oui, à Senport, en Seine-et-Marne, ils ont voté, c'est les habitants qui ont voté. Senport, c'est le nom de la ville. On dirait, tu sais. Pépon la machin. Non, mais on dirait, putain, dans le film, il y avait une Senport, c'est pour dire une scène porno, tu vois. Ah oui, Senport. Non, là, c'est Senport, S-E-I-N-E. C'est pour ça qu'il y a une Senport, là. C'est pour ça qu'il n'y a pas le droit au téléphone. Exactement. Mais là où c'est un peu triste pour cette ville, c'est que. Donc, ça, ils ont voté oui. Ils n'ont pas en grande majorité voté oui, puisque c'est quand même 54%. Ah ouais. T'as quand même 47% qui déjà sont déplacés. Qui sont déplacés pour dire non, vous n'allez pas voter cette merde quand même. Non, et du coup, désormais, il n'est plus possible de se servir de son téléphone portable devant les écoles, dans les commerces, en marchant dans après, la rue. Après, ça reste une charge, donc t'as le droit de le faire. Et c'est ce que j'allais te c'est dire. Juste les autres te regardent. Ou lorsqu'on se retrouve dans un espace public et associatif avec plusieurs personnes, le référendum a mobilisé moins de 20% des habitants, soit 270 personnes. Ouais. Et j'aimerais la moyenne d'âge des. C'est comme les trottinettes à Paris. C'est vraiment les mêmes gens qui sont allés voter. C'est sûr. Et oui, mais il y a un vrai problème de santé publique, nous dit le maire Vincent Paul Petit, évidemment chez les Républicains. C'est Paul Petit, pareil, c'est Paul Petit devant une scène porte. Il a dit vouloir aider les habitants à réguler leur utilisation des écrans. Ça, c'est toujours un truc qui m'énerve, genre Mais régule-toi en autonomie. Oui, voilà. On n'a pas besoin de toi, Paul Petit. Mais régule ton nom de famille. Voilà. Déjà. Ouais. Et en fait, j'adore ce que l'article finit comme ça. Attention, en cas de transgression des nouvelles règles, aucune sanction ne sera toutefois possible. Ouais, voilà. C'est vraiment juste qu'ils sont. Et après, il y a sur un iPad. Juste sur mon téléphone, juste toute la journée, avec une énorme batterie. Pour, une batterie externe, la taille de Twingo. Et vraiment juste filmer la mairie comme ça, là. T'as quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être en prison? Non, je crois pas. Ça fait bientôt 1h25 qu'on parle. Ce que je vous propose, c'est de passer aux recommandations culturelles. Ouais. Donc, c'est des choses que vous avez appréciées récemment. Ça peut être du théâtre, du cinéma, de la musique, un podcast, un livre, tout et n'importe quoi. Pas forcément un truc récent, mais un truc que vous avez kiffé récemment. Ouais. David. Bah moi, hier soir, j'ai vu un film qui m'a retourné ma face et qui s'appelle Civil War. J'ai oublié le nom du réalisateur. Alex Garland, Alex Garland, ça m'a fumé ma race. Vraiment, j'étais là. En fait, j'ai trouvé ça ultra original. C'est l'histoire d'un groupe de photojournalistes qui documente une guerre qui est inventée pour l'histoire et qui est une guerre civile américaine. Et donc t'as les États-Unis en guerre civile. Et ça, alors moi j'ai jamais été dans des zones de guerre de machin, mais j'ai l'impression que c'est hyper réaliste. Ouais. Tu sais, des fois ça arrive ce truc, t'as pas vécu le truc, mais tu dis putain, ça sonne vrai quoi. Ouais. Et surtout ce truc de tu sais pas ce qui se passe, tu sais, tu vois un truc au fond, il y a ça tire, tu sais pas qui tire, tu sais pas qui est en train de tirer sur qui, tu comprends rien à ce qui se passe. Et je pense que et ça m'a l'air comme ça hyper réaliste. Et moi j'étais genre scotché du début à la fin. Alors moi j'ai fait, il y a des trucs qui sont un petit peu pas. Tu dis bon non, c'est sans doute pas comme ça que voilà ça se passe. Oui. On va parler hors antenne que ça spoil, mais il y a un truc où j'ai fait non, ça c'est n'importe quoi. Voilà. Ils sont en fait, il y a un truc globalement, ils sont trop près de l'action. Ouais. C'est-à-dire que ça n'existe pas, il y a pas dans l'histoire des conflits des gens qui sont genre ils sont à tous les moments décisifs historiques de tout, ils sont là tout le temps à 5 mètres de ce qui est en train de se passer. Il y a Charles Villa quand même. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et moi j'ai vraiment adoré ce film, et au point j'étais complètement immergé dedans. Ouais, c'est au cinéma. C'est drôle. Je suis allé hier soir également. Oh là, c'est vrai. Deux potes pour moi. Et ça fait partie des films où j'ai vu la bande annonce avant, et j'ai fait hop, ça a l'air cool, et le film est beaucoup mieux que la bande annonce. Et c'est drôle parce que moi, ce que j'ai aimé aussi, le fait qu'on comprenne pas ce qui se passe. On a fait en même temps, comme deux cons. Mais c'est un truc que les gens critiquent beaucoup, alors peut-être parce qu'on n'est pas américain, justement le fait que. Ça prend position sur rien, quoi. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Ça. Mais les gens disent, après, quand les Américains, après Black. Non, mais tu vois, avec l'histoire de leur pays, surtout récent, de l'invasion du Capitole, de Black Lives Matter, de choses comme ça, ils disent, là, de vers un truc où on sait pas qui est quoi, il y a des gens que ça gêne. Ça agace. Ça agace. Alors, moi, c'était un des trucs que vraiment je me suis dit, putain, c'est super ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est viscéral. Tu viens pour l'expérience viscéral du truc, pas forcément pour avoir un grand message sur ce que sont les États-Unis et tout. C'est, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai aimé. Et surtout, c'est un film sur le photojournalisme. Oui. C'est ça le sujet du film, plus que la guerre civile. Et c'est ça que ça montre. Et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi ils auraient pu faire ça sur une guerre qui existe ou qui a existé. Ils ont fait, non, on va faire une guerre en plus. Et ça multiplie par 10 l'originalité du film, quoi. Ouais. Et les acteurs sont ouf. Ils sont ouf. Et le type là qui joue l'espèce de milicien dont on sait pas pourquoi il est comme ça, avec les lunettes rouges. Jesse Plemons, très mais c'est incroyable. Et ils volent le film, hein. C'est-à-dire qu'il a une scène. Jamais je me souviendrai de cette scène le jour où je mourrai. vraiment incroyable. J'avais vu je crois que c'était un TikTok à l'époque, quelqu'un qui disait que c'était un peu le nouveau Philip Seymour Hoffman. Mais qui lui ressemble un peu. En plus, il lui ressemble physiquement. Il lui ressemble un peu, et dans le côté, s'il est dans un film, quelle que soit l'importance de son rôle, il vole le film. En fait, ce que je trouve extraordinaire, moi je l'ai connu dans Friday Night Lights. Jesse Plemons. Et il était dans un Black Mirror aussi assez exceptionnel, un truc dans Star Trek. Mais en fait, il a ce truc qu'a aussi Philip Seymour Hoffman il a un visage assez lambda, enfin pas lambda, mais un truc où c'est un gars que tu pourrais croiser, mais il a une intensité dans le regard, dans le jeu et tout, qui est assez même dans Killer of the Flower Moon de Scorsese, je trouve qu'il vole quand il arrive au dernier acte, il vole à DiCaprio tout quoi. Et là il joue un type terrorisant qui est tout calme quoi. Pourquoi tu dis ça mais ça c'est vraiment ça machin. Horrible. Et c'est genre, et ça te glace ta race. C'est vachement bien. Civil War d'Alex Garland, super scénariste, qui avait bossé sur, enfin il avait écrit 28 jours plus tard, Sunshine, il a fait Men récemment, et voilà, qui fait des très chouettes films. Morgane. Ah, j'en ai deux. Alors la première, tu peux prendre les deux. La première très rapidement parce que tout le monde en a parlé, c'est une petite série d'animation sur Arte à suivre qui s'appelle Samuel. Ouais. D'Emily Tronche, et c'est d'une justesse, d'une tendresse, d'une drôlerie. Et c'est beau, ça parle de l'enfance. C'est un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui a 10 ans. Donc tu le suis l'été, il s'ennuie en classe, il est amoureux d'une fille, tout ça. Et c'est vraiment, je pense que ça raconte toutes nos enfances à tous. Et il y a 21 petits épisodes de 4-5 minutes. Elle fait toutes les voix, la réalisatrice, et c'est super. Et allez, si vous le finissez, allez voir aussi ses interviews à elle, parce qu'il y a beaucoup de scènes de danse, donc tu la vois dans sa... Enfin, chez elle, filmer les scènes de danse pour voir comment elle pourrait dessiner, designer et tout, c'est hyper intéressant. Et c'est bien. Et globalement, tous les trucs d'Arte à suivre sont chambés. Je me permets justement de rebondir. Donc, Bouchon. Voilà, Bouchon d'Eléonore Cos. Je suis allé à la projection là. Et bon, alors, c'est une amie, tout ça, ce que tu veux, mais j'ai pris une vraie claque. Comme très peu de fois, j'ai pris chez des amis qui font des trucs. Tu lui avais très mal parlé, cela dit. Hein? Tu lui avais très mal parlé. Ah, bah, on est fâchés. Non, mais voilà, j'ai vraiment adoré sa série et c'est sur pareil Arte. Ouais, c'est super, merci, et c'est vraiment. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Je vais me binge-watcher ça ce week-end. Oui, d'accord. Binge-watch quoi? Binge Watch P. Ah c'est oui. Une référence ah au oui, épisode c'est précédent. Ça. Tu sais, alors pardon, je fais encore une mini parenthèse, excusez-moi. Ma petite fille, donc qui a 2 ans et. Ta fille. Oui. Non, mais pardon, j'ai bugué, pardon. Oui, qui a 2 ans et 3 mois, à la crèche, ils ont une mode de façon de parler, comme si c'était Kwakubé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle met des T à la fin des prénoms et ça la fait hurler de rire. C'est donc elle fait maman, papa, mon chat Chelsea, et elle hurle de rire. Et je te jure, et donc. Moi, ça me. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un truc, c'est comme si elle avait inventé. Mais ils le font tous. Et ils le font tous. C'est un petit garçon apparemment qui a commencé à faire ça. Ils ont tous hurlé de rire. C'est un abuseur des crèches. Ouais, il va être sur Combini bientôt pour parler de l'origine. Pour parler de l'origine de son buzz. Dans les interneteurs. Oui, voilà, tout ça, exactement. Mais, et voilà. Et donc, du coup, elle a un truc de Kwakubé, etc. Et à 2 ans. Donc, ça m'a tué de rire. Pardon, excusez-moi, j'ai fini ma parenthèse. Et la deuxième, c'est un livre d'une. Bon, qui se trouve. Être mon amie, mais qui est surtout une excellente autrice qui s'appelle Kalindi Rampfel. Ah bon, on l'a reçue. Et ça s'appelle Les Jours Mauves. Et c'est. Bon, ça parle des îles et du deuil, donc ça ne pouvait que me plaire. Mais non, c'est super, c'est hilarant et c'est dépaysant. Je suis vraiment en train de dire le petit encart sur la couverture. C'est vraiment un premier roman d'une justesse incroyable. Et c'est vrai qu'elle a commencé chez mademoiselle.com. Voilà. On est en train de tout non, dire. Non, c'est fou, vraiment. Ouais. Et tu sais, c'est toujours dur de lire le bouquin d'un pote parce que tu te dis, oh, allez. Déjà, la flemme, hein, c'est vrai, de le lire. Et j'ai été dedans. J'ai pris le parti de pas les lire, moi. J'ai été dedans, première page, c'est vraiment chouette, quoi. Bah, super, et ça sort le 2 mai. Ben là, ça vient. Enfin, ça, là où on l'enregistre, ça vient de sortir. Ça sort aujourd'hui. Ouais. Trop bien, et c'est dispo partout. C'est dispo dans toutes les bonnes librairies. Génial, incroyable. Alors, moi, c'est un compte Insta. Oh là. Alors. Je sais pas exactement, en fait, ils sont farfelus, donc je sais pas exactement comment ils s'appellent, mais on va dire Studio Joss, Studio Joss, J-O-2-S-E. Le compte Insta, c'est Joss Pictures, tout attaché, donc J-O-2-S-E Pictures. Et c'est deux mecs qui bossent dans l'animation et qui font un projet sur leur temps libre, j'ai l'impression. Qui s'appelle Dorsch, qui est un truc de un peu genre médiéval fantastique, mais complètement bizarre. Et donc ils font des épisodes où je crois que c'est le nom du personnage Dorsch. Oui, c'est le nom du personnage. Et c'est une espèce de petit bonhomme chelou comme ça. Ouais. Et je crois qu'il y a deux épisodes pour l'instant, il me semble. Et c'est genre c'est hyper bien. En fait, c'est le genre de dessin un peu mal branlé, mais tu sens que c'est des gens qui dessinent hyper bien, tu vois. Ouais. Donc c'est beau, mais en même temps c'est pas beau. Il y a un truc hyper et c'est hyper bien animé et c'est trop marrant. Je crois que c'est un peu eux qui font les voix aussi. Okay. Et ils prennent le parti de toutes les voix. C'est ils parlent hyper près du micro comme ça. Donc tous les personnages parlent comme ça. Et c'est trop bien, quoi. Je trouve ça trop cool. Ils postent soit. Je vais ajouter immédiatement. Ouais, c'est trop bien et ça mérite d'avoir plus de monde. Et voilà, Studio Joss, il y a les deux épisodes et c'est très marrant. Merci beaucoup, chers amis. Alors, on fait un dernier petit tour de table. Ouais. Donc, David, ton spectacle que tu continues à jouer. Ouais, alors je sais pas quand est-ce que c'est diffusé. C'est diffusé lundi. C'est diffusé lundi, donc Poitiers, Bordeaux deux fois, ensuite Montréal aussi. Ça se passe bien, génial. Tu kiffes, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais, ça se passe bien. Il y a ce petit truc un peu nouveau de répéter quand même la même chose, hein, plusieurs fois, qui. Bah des fois tu es avant de monter sur, tu fais, ah. t'es sur scène des fois, puis tu sais, tu t'es comme ça après. Ouais, tu vois, puis t'es là, puis tu dis genre, tu t'entends dire le truc, tu mets ta gueule. Ouais. Pour les gens, c'est nouveau, c'est oui, ça. Oui, qui c'est ça. C'est garder truc, la c'est... même fraîcheur. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et il y a des fois, en fait, surtout quand tu arrives à dire les choses comme si tu les disais pour la première fois, ouais. Mais pas toujours, quoi. Voilà. Après, je pense pas que les gens s'en rendent compte. Bah non. Mais en tout cas, les meilleures soirées que tu passes quand tu fais un spectacle, je trouve, c'est quand tu arrives à repenser ce que t'es en train de dire, en fait. Ouais, ouais, voilà. Bien sûr. Et t'as arrêté là les vidéos pour la télé suisse? J'en ai fait une dernière il y a 15 ouais. jours ouais, sur. Qui est un peu un best-of, enfin pas un best-of, mais ça retrace un peu toutes les vidéos que t'as faites. Ouais, c'est trop cool. C'est vrai, bah, c'est la dernière. Ouais. J'ai fait une chanson encore de 2 minutes 30 dedans, que je vais sortir séparément, qui s'appelle Mat le PIB. Ouais. Maintenant ça c'est fini. Et voilà, je fais toujours small talk. Et puis sur Arte toutes les semaines. Mais c'est ça. Intéressant. Et puis France Inter. Et puis le spectacle. Et puis j'ai d'autres trucs là maintenant, je vais faire. Oh là là, il fait du teasing là. Là c'est du teasing. Et donc le Zénith, moi j'aimerais juste faire un mini temps là-dessus. Quoi. C'est incroyable. Comment t'avais une envie de faire une grande salle, ou tu te dis bah en fait il y a la possibilité de le faire, pourquoi pas le faire? Voilà, c'est ça. Mais je crois que il y a un truc de genre j'ai un truc un peu mégalo, quoi. C'est-à-dire que non mais c'est vrai, c'est-à-dire que genre on dit genre tu peux et tu dis est-ce que tu veux, je fais ouais, je veux. Mais c'est et il y a un truc, voilà, j'ai envie de l'avoir fait, quoi. Ah ouais, tu vois, je comprends. C'est aussi ça, tu vois, je vais changer un peu le spectacle, je vais faire un peu des trucs différents. C'est ce que je me suis dit légèrement, c'est une date un peu ouais. Voilà, et voilà, et je vais faire aussi l'Arena à Genève, qui est l'équivalent du Zénith à Genève. Ah ouais, voilà. Trop bien. C'est quoi les dates? Le Zénith de 13 juin 2025. C'est ça. Dans un an, plus d'un an même. Ouais, voilà. C'est ça. Incroyable. Ouais, voilà. Et ça me. Je viens de Kian Kojandi qui disait que même que. Enfin, il me semble qu'il a dit ça, que ça. Enfin, tu sais, il était un peu rodé dans son truc et que genre le Zénith, tu t'arrives et tu fais wow. Ah ouais, ouais. J'avais plus peur, là j'ai peur, quoi. Moi, on m'a dit, il y a un truc chelou du temps que mettent les rires à t'arriver. T'as un truc un peu de la salle est tellement grande. Les gens ils sont à Poitiers en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est quand t'es habitué à le jouer dans une certaine capacité de salle, et c'est vrai que quand t'as ta carrière, t'es habitué à ta capacité de salle, entre guillemets. Si tu fais du 1000 places, tu fais un peu des 1000 places dans toutes les villes, si tu fais du plus, etc. Et là d'un coup t'as un gros truc, et c'est vrai qu'il y a un truc de waouh, machin. Ouais. Et non, c'est Foresti qui avait dit ça sur Bercy, parce qu'elle avait fait Bercy et elle avait eu le truc de vache. C'est vraiment, ça met du temps. Bercy, c'est trois Zénith. Ouais, c'est ça. C'est combien de places au Zénith? 5000 au max. Ah ouais, quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Ouais. On peut dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, si tu bides sur 5000 personnes, ça doit être, ça doit être un truc. Je sais pas de... si ça fait plus mal que de bider sur. Mais cela dit, c'est rigolo parce que j'ai écouté une interview de toi et tu disais que par exemple, tu rodais pas spécialement en comédie club et en choses comme ça. Bah, aussi parce que ça te faisait un peu peur. Moi, c'est une des raisons qui fait que je fais pas des faux comédie club, c'est la lâcheté, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est drôle que t'aies pas peur de faire une. Ton truc, il est. Enfin, c'est. Pour moi, je l'ai vu 22 fois. Non! Non, mais c'est pas hyper adapté. Il y a pas 10 minutes que tu peux extraire sans non, que ça aille avec ce que tu racontes. Puis ça va vraiment avec un écran qui est derrière, etc. C'est un peu compliqué. Il y a des moments que je pourrais. La vérité, c'est que si je suis vraiment honnête, il y a des moments que j'aurais pu tester en comedy club. Non, mais parce que c'est dur même quand tu fais du pure stand-up. Ouais. Donc si t'as un truc qui sort un peu de ça, Non, puis ça risque de. Tu vois, c'est j'ai construit le spectacle du début à la fin. Après, je l'ai joué 19 fois dans un petit théâtre à Lausanne et puis je l'ai ajusté en le jouant, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, sans roder, c'est ce que j'allais dire, sans faire en comédie club, tu rôdes quand même quoi qu'il y ait un roder, spectacle. C'est pas forcément comédie club, ça peut être aller dans des petits théâtres en province. La particularité des comédie clubs, c'est que tu vas dans des endroits et c'est pas ton public. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te. C'est sûr, ils vont pas aimer. Tu vois Mais c'est à dire que si eux tu les chopes, ton public il va être comme des oufs. Mais ça, c'est dur à analyser, moi je trouve quand même. Parce que ce truc de les gens qui connaissent ce que je fais, qui connaissent pas ce que je fais, moi j'ai eu ça récemment avec le film. D'un coup, ça s'est adressé à plus de gens que ce que je veux normalement. Et ça, c'est dur à analyser. Tu vois, des gens qui disent putain, c'est lourd. Tu dis ok, mais qui es-tu? Enfin, tu vois, t'as un truc de. C'est dur à essayer de prendre. Qu'est-ce que tu. Parfois, des journaux d'extrême droite, donc ça va. Oui, ça va. Et quand ça arrive, tout va très bien pour nous. Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait, là, bon, alors j'ai aucun recul, mais c'est de rien prendre du coup. Tu dis bon, bah, positif ou négatif, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a tellement d'avis différents. Tu fais ton truc et après tu les prends gens les avis quoi. Des gens que t'estimes et voilà quoi. Mais moi si j'ai je pas honnête... les rires en direct, c'est ça qui est Mais si je suis honnête, ça je pense que je le ferais. Je l'ai fait une fois un comedy club, je fais le Jamel Comedy Club dans un truc qui s'appelle le Portugal Comedy Club. C'était pas c'est ça allait, tu vois, c'était pas mal et je le Il y avait de Jal ou pas? Il y avait que de Jal et David. Non, il y avait justement pas de Jal en fait, c'était le nom ça. D'ailleurs, c'était le seul comedy club Portugal sans Jal. Sans Jal qui n'est pas portugais d'ailleurs. Bah non, Morgane Toi, tu rôdes pas mal. Non, en allez, ouais, allez vraiment voir le spectacle de David, hein, parce qu'il est cool et que je serai probablement sur toutes les dates qui arrivent. Alors, j'ai vu que tu fais des 30-30 à ce moment-là. Ouais, j'ai je rôde beaucoup. J'ai 7 30-30 là. Ouais. Alors, les 30-30, c'est chacun 30 minutes de nouvelles blagues. On va en faire beaucoup en Suisse, en Belgique. J'en ai 2 à Paris pour un nouveau spectacle qui serait bien qu'il soit terminé en novembre. Okay, ok. Décembre pour être en janvier à Paris. Tout ça est très hypothétique, mais en tout cas, il y a plein de gens qui. Enfin, il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me demander si je referai un nouveau spectacle. Ah. Et la réponse est oui, évidemment. Oui. Si tu ne te brûles pas au troisième degré d'ici là, évidemment. Si on n'a pas été soulevé par les machines. Oui, voilà. Enfin, s'il y a un soulèvement des machines, pas être soulevé par les machines. Toi, t'es à l'abri de toute façon. Je serai peut-être soulevé par les machines. Et toujours les chroniques sur France Inter, un mercredi sur deux. Et surtout, abonnez-vous à mon compte Instagram parce que je manque cruellement de followers. C'est terrible. Non, vraiment, j'ai un nombre de followers absolument ridicule. Écoutez-moi bien, si vous écoutez ce podcast, vous vous abonnez. Non, mais je veux qu'il y ait un moment à Tiston disant oh putain, mais je l'ai vu la différence. Ouais. Donc, et puis promis, je mets pas de photos de ma nourriture et c'est vraiment surtout des bouts de chronique et des bêtises quoi. Elle pose une photo de sa blessure. Voilà, ouais. Si vous ouais, ouais, exactement. Voilà. La elle blessure pose à pas nu. Des reels où elle insulte le public ou non, elle provoque des trucs exprès pour en faire des reels. Non, il y a rien de stand-up. C'est bonne ambiance. C'est que des gifs sur Jésus et des histoires d'entorse. Ah, c'est facteur. Enculé! T'as filmé ça, hein? Ouais. Gif sur Jésus, pareil, on va passer des vacances là-bas. À Gif sur Jésus. Gif sur Jésus. Ouais, Gif sur Jésus. Les grottes de Gif sur Jésus, c'est faut les voir. En plus, c'est en train de s'écrouler. C'est le maire Michael Portsmouth.prof. Oui, je vois. Paul Petit, non? Comment Paul Petit? Paul Petit. Mais je comprends toujours pas comment ça marche, les trucs des abonnés Instagram. Ça n'est pas lié au. T'es pas censé t'en inquiéter, toi, ça. Je te jure. Mais moi, il y a eu un vrai truc là récemment où c'est devenu un sujet que moi dont je me fous des abonnés Insta, des trucs. Et là, sur la promo du film, il y a eu commencé à avoir des échanges de faut pas poster à telle heure et tout. Et ça m'a très vite pris la tête. Ah, non, c'est chiant, mais en fait, faut pas rentrer trop dedans. Mais c'est vrai qu'après, quand tu veux faire un coup de promo, c'est quand même un peu chambé de remplir 400 places sur une story. C'est vrai que c'est un petit luxe. Je te conseille de faire peut-être une chanson. Ouais. Voilà, exactement, là, de 2 minutes 30. Mat le pays, ok, ça part. Adrien ? Eh ben, moi, toujours la bonne auberge, toujours 2 fois par mois sur Twitch, du jeu de rôle sur internet, et puis bah, toujours Noulet le Roi qui est. Et ouais, toujours. Ouais. Là, il va falloir y aller, là, ça y est. Il commence à y avoir. Déjà, il y a Artus qui a rempli tous les cinémas de France, donc autant vous dire qu'on va sûrement dégager dans pas très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le film si vous l'avez toujours pas fait, c'est un peu les derniers moments. Ceci étant dit. On est à plus de 500 000 entrées, donc merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus. C'est déjà un très joli succès pour ce film, donc vraiment merci. De nouveaux Dyson en perspective. De nouveaux Dyson en perspective. Et peut-être même des placards autour pour les cacher. ça serait fou. Là, c'est si on fait les 600 000. Si on fait les 600 000. Artus, il a un KGB. Ah bah, il a une pièce pour eux. Il a la pièce à Dyson d'Artus, bah, bien sûr. Non, mais voilà, merci beaucoup. C'est encore dispo dans quelques salles, mais n'hésite. Enfin, voilà. Si vous voulez le voir au cinéma, faut y aller maintenant. Et Vermine, dispo en VOD, film d'horreur que j'ai écrit avec Sébastien Vanitschek, qui l'a réalisé également. Film d'horreur avec des araignées dans un HLM. Et dont Stephen King vient de dire que c'était un super Stephen film. King a dit ça fait peur, c'est dégueulasse, c'est bien fait. Ouais. Quoi, ça fait plaisir quand un auteur plutôt qui a du succès et du talent te dit que c'est bien. Qui a fait son petit bout de chemin et dont j'ai lu le livre sur les conseils d'écriture, qui est un livre que j'adore. J'en avais parlé, j'adore ce bouquin, donc c'était un peu coolos. Ouais. Maintenant, en fait, le problème, c'est que ça ouvre le champ de tous les possibles. Tu dis, attendez, si Stephen King l'a vu, t'es à toutes tes idoles ou tu dis, j'aimerais trop qu'il le voit. Barack Obama. Bah, Obama. Moi, c'est Obama ou rien. Kevin Smith, là, il va le regarder. Non, mais récemment sur Les Leroys, j'ai eu un coup de téléphone avec Patrice Lecomte. Ça, c'était fou aussi. Ah ouais, oui. J'ai causé une demi-heure de fuite de Des Leroys avec Patrice Lecomte. Une demi-heure. En fait, il m'a laissé un message en me disant qu'il avait aimé le film et tout. Je pense qu'il a vu que je le citais beaucoup en interview parce que c'est vraiment tandem et mes références pour mon film. Et il m'a dit, voilà, si vous voulez en parler, mais peut-être que vous n'avez pas du tout envie, il n'y a aucun problème. Et je l'ai appelé et on s'est parlé une demi-heure du film et de comédie. C'était et tout. Pas mal, trop hein. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde. C'était cool. Trop bien. Super. À très bientôt. Ciao. Bonne humeur, moi. We'll be right back. s'agissait du flow de cast. Pardon.